Donc, vous écoutez l'épisode 64 du Geek Collectif, le podcast. Hein, Milton? Oui. Mon nom est André Paquette, hein, Milton? Oui. Pas moyen de starter ce show-là sans un accro. Andy, dis mon nom encore, Milton. Dis mon nom sel. Encore, Milton. Je ferme le son de mon sel. Dis mon nom, Milton. C'est comme tabarnak d'options bizarres de merde. Excusez, André Paquette. Je me pète un vlog, pis de la merde, chanson thème. Donc, vous écoutez l'épisode 64 du Collectif. Ce soir, on a un bel épisode de nostalgie prêt pour vous tous. On va parler de nos samedis matins respectifs quand on était un peu plus jeunes, ou de nos samedis matins respectifs maintenant, 32 ans, j'écoute des cartoons comme At Me Bro. Mais avant de débuter, la tradition du Collectif se vaut de faire un tour de table, parler de nos actualités. Fait, qui débute cette semaine, messieurs? Je peux le faire. Ça me dérange pas de me sacrifier, à moins que quelqu'un se sente... Donc, pour nos habitués, vous reconnaissez le coloré Jonathan Milton? Oui, oui. Fait que, Joe, qu'est-ce que t'as fait de bon ces temps-ci, ton actualité, mon ben, moi, je voulais, avant de commencer, je voulais lancer un petit appel, je veux pas dire appel à tous, parce que, dans le fond, c'est un appel à une seule personne. J'ai appris en m'en venant à l'enregistrement que Mademoiselle Gwen Stefani est maintenant séparée de son mari chanteur du groupe Bush. Fait que tu veux faire un appel à Gavin Rosdale? Gavin, ouais, je veux. Gavin, tiens-toi loin. Gwen, call me. Je le sais que t'écoutes. Joe, fait je vais t'interrompre tout de suite. Oui. La dernière fois, quelqu'un a fait un genre de call-out à une personne qui était potentiellement, peut-être ou non. J'ai pas écrit de lettre à Gwen. Okay, j'ai pas bon. Écrit rien. Je veux juste dire. Pourquoi? Parce que t'as fait appelle-moi. Ça. Appelle-moi. Puis... Non, mais on s'entend, il y a un certain, Gabrois. Qui a fait une lettre à Marie-Lou Wolfe quand elle était supposément en divorce, mais finalement elle était pas en divorce. Non, ok, fait qu'elle tape un peu. Mais on est en train de comparer sûrs. Milton puis Gwen Stefani à Gabrois puis Marie-Lou Wolfe. Je voulais juste m'assurer que ça n'allait pas dans cette direction. Non, je voulais juste dire, Dans quel sens? Je le sais qu'à la... Guillaume Lemaitre Vierge, Gavin Rosdale, même combat. Oui. Qu'est-ce que tu y ferais à Gwen Stefani? Je l'épouserais. Tu rédiges-moi donc une lettre vulgaire d'à peu près 1000 mots. Enfants. Mais non. Dans fond, tu te je voulais pas m'interdiser 5 minutes là-dessus. Je voulais juste dire à Gwen qui nous écoute présentement de me lâcher un corps quand les affaires vont retomber. Mais sinon, je voulais faire aussi un petit shout-out cool à une gang que j'ai vue sur Twitch cette semaine, qui c'est genre Speed Gaming, là. Puis ils font un genre de petit téléthon pour, je me souviens même pas quel hôpital, c'est américain, fait que who cares. Mais j'ai trouvé ça cool qu'en 40 minutes, j'ai regardé un speedrun au complet de Mega Man X4 puis qui a ramassé 306 000 piastres pour l'hôpital d'enfants malades pendant cette 40 minutes-là. Puis ils ont fait Kelly Kagus, plein d'affaires, puis je trouvais ça tellement une meilleure initiative que... Le Téléthon Enfant Soleil qui nous garoche de la merde puis que le monde donne pas une scène quand eux autres, ils jouent à des jeux pendant 40 minutes puis ils font 306 000 piastres. Puis après, le monde dit que jouer à des jeux, c'est de la merde puis que streamer, c'est con. Puis que hein, pas le monde qui nous écoute qui dit ça, mais tu sais, le word on the street. Là, hashtag les gens. Gwen Stefani, elle dirait pas ça. Hein. Gwen Stefani, elle dirait pas ça. Elle nous écoute présentement. Non, mais parlant de vedettes qui comprennent la game, là. Québécoise, tu parles? Non, Mila Kunis. Oui, oui. Est une excessivement grande geek. Joueuse oui. De World of Warcraft invitérée. Juste avec Eric, ouais. C'était pas elle qui jouait dans l'auberge du chien noir? Je pense que tu te mélanges avec John Lajoie. Je pense que. Ah, c'est les deux vivaient à L.A. à ce moment-là. Si Mila Kunis jouerait dans l'auberge tout du chien noir, tout le monde qui vit à L.A. ça ressemble. Attends, wow. Mila Kunis, 10 ans après, dit qu'elle joue à World of Warcraft. Aucunement impressionné. Bon, t'es en train d'être quoi là? Ouais, elle a finalement compris la game. Tu fais comme ta shout-out là. Shots fired. Tu show, hein? C'est comme Cœur de Pirate qui dit qu'il joue à Pokémon. En tout cas. Excuse-moi, elle a volé une poule. Carly Perez a volé une poule? Non, c'est pas mal plus intéressant que mon actuel. Ok, guys, le train déraille. Parce que ça avait de l'air plus cool que mon actualité, là. Ben, ok, tu veux. Ok. Joe, c'est l'actualité dont tu es le héros. Ben, t'as le choix de parler de ton actualité. Carly Perez a volé une poule. Non, mais okay, Mila Kunis. Moins intéressant. Ok. Mais. Mon actualité, c'est une. Attends, Carly Perez a volé Mila Kunis? Carly Perez a volé un. Non. Paul qui était nommé Mila Kunis. Oh. C'était pas une scène. Scoop, dans Black Swan, je vais tweeter ça. Vas-y avec ton actualité. Ben, c'est un peu une petite question renversée. Tantôt, je posais à Guillaume puis à Alex une petite question pour le fun. Puis, je me suis rendu compte cette semaine que moi, étant un mélomane invétéré, connu de plein de monde pour ça, qui a travaillé longtemps dans l'industrie de la musique puis tout, je m'ai rendu compte que j'ai perdu carrément ma passion pour la musique. Dans le sens que je m'en calisse pas mal. J'ai pas mal tout ce qu'il joue, y a plus rien qui m'accroche, j'embarque plus pis tout. Puis je me demandais, en pensant à vous autres, comme Guillaume pis Alex qui travaillent dans le web, André qui travaille un peu dans les jeux, les films, la culture de ça, Eric avec la tech pis les téléphones pis ces affaires-là, est-ce que travailler dans un domaine qui est un peu à la base partie d'une passion de tout, je pense, là. Tu sais, vous êtes pas en train de faire des cure-pipes, là, pis que vous dites j'ai voulu faire ça toute ma vie, là, qu'on sait que c'est pas vrai. Vous travaillez pas mal dans votre shout-out passion. Shout-out au monde qui font des cure-pipes. Si c'est votre passion, shout-out à vous autres. Si vous faites ça juste pour attacher les deux bouts, encore plus gros shout-out, parce que, regarde, vous êtes game de faire la job sale que personne veut faire. Mais on s'entend que c'est de la merde pis qu'il y a personne qui voudrait faire ça pis qui aimerait tout vendre des jeux vidéo ou de la tech ou travailler sur le web ou vendre de la musique ou peu importe votre passion. Fait que moi, je voulais bien vite, là, renverser ça à vous autres, là, depuis le temps que vous travaillez dans votre domaine de passion, si on peut dire. Est-ce que ça l'a tué un peu pour vous autres? Parce que moi, je suis plus pantoute, le mélomane. Je connais ça, pareil, veux pas, défaut de nature, si on peut dire, là. Mais j'embarque plus, il n'y a plus rien qui me grab. Ta nouvelle, c'est que j'aime pas la musique? Non, ma nouvelle, c'est que je te pose une question, Rick. Okay. Jonathan, trouve un emploi que tu adores et tu ne travailleras plus jamais aucun jour. Je l'ai traduit très difficilement. Mais On n'a pas appris ça au secondaire. Ouais, probablement. Non, mais gars, j'aime encore les jeux, j'aime encore les cellulaires, j'aime encore louer des films, j'aime encore les films. J'aime pas le monde. C'est vrai. Mais ça, moi, c'est juste d'accord. Triste, c'est j'aime plus les gens. Sauf nous. Ben, même vous autres, Non. Non, mais à vrai dire, je pense que la seule chose que mon emploi a pu faire avec c'est moi, c'est le public. Ben ça détruit ma foi en l'humanité. Ouais, tu vois des affaires que Ah, mais ça, tu peux voir ça dans plusieurs corps d'emploi. Là, ouais, mais je pense que c'est ça. Mais c'est vrai que quand j'ai travaillé dans le public aussi, qu'au début, t'es comme, oh yeah, je travaille dans le public. J'étais une personnalité publique. Ou de quoi, je suis le gars du magasin ou quelque chose. Puis à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a du monde, tu fais comme, damn, comment tu passes au travail de sa journée sans se tuer. Je me console avec ma job parce que l'autre fois, j'étais à SAQ. Puis il y avait une dame qui rapportait une bouteille de vin. Qui restait peut-être un centimètre de vin dans le fond. Puis tu sais, le commis en caisse dit, ben, je peux vous aider. Elle dit, je rapporte le vin, il est bouchonné. Il dit, OK, mais vous l'avez bu? Ouais, mais il est bouchonné. OK, mais vous l'avez bu? Oui, mais il était bouchonné. Puis c'était comme un duel sans fin entre la stupidité de la cliente puis le gars qui essayait juste de faire sa job. Elle juste voulu essayer le truc des pizzas McCain qu'elle a vu à la télé, genre que le gars il ramène des croûtes puis il veut se faire comme donner des nouvelles boîtes de pizza parce qu'il était pas satisfait. C'est un peu ça. Je pense que, regarde, je parlerai pas pour les gens autour de la table, mais dans ma branche de travail, j'ai rencontré des gens incroyables dans mon travail, des clients qui sont devenus des amis, des gens que je côtoie aujourd'hui, mais j'ai croisé aussi des beaux spécimens où... comment on dit ça en québécois? Au lieu de faire une tâche dans le lit, ton père a fait une tâche dans la société, je pense. Hein? Ça se dit, hein, ça? Oui. Si ça se dit pas, ça devrait être... J'aime bien ça. iChuck va sûrement réutiliser ça aussi. C'est très cru, mais c'est très graphique. iChuck va s'occuper de tweeter ça, puis on va le retweeter. Mais un peu dans la même lancée qu'André, je pense que... Tu sais, j'aime beaucoup ce que je fais au point que j'en fais comme rendu chez nous le soir. Je le fais comme pour le geek collectif, je le fais pour mes projets personnels. Par contre, c'est sûr que des fois, le fait de travailler là-dedans peut... Ben ça peut être n'importe quel job. Là, t'arrives chez vous, t'es brûlé des fois. Mais le gros problème, souvent, ça va arriver, c'est c'est pas le comme le sujet de ton travail, c'est plus les conditions de ton travail qui peuvent avoir un impact, là. Moi, je me rappelle des fois dans des emplois passés, j'adorais ce que je faisais, mais tu sais, t'es pas bien à faire des horaires, mettons, 4 à minuit ou quoi que ce soit, puis là, t'essaies d'élever un enfant, t'essaies d'avoir une nouvelle relation, mais tu travailles de fin. Fait que c'est souvent, t'aimes ce que tu fais, mais t'as pas le choix de le laisser de côté parce que ça scrape le reste. Mais sinon, c'est viable. Moi, je vais être ben être avec toi, quand on travaille, j'aime les gens. Les mêmes, je vois Michel Larouche là, qui dit hashtag les gens dans le chat. Moi, je les aime, ces gens-là, parce que moi, je suis une personne... J'aime l'interaction sociale avec des gens. Fait que je travaille dans le public. J'aime monter des affaires cool à du monde. C'est ma passion dans ma job. Fait que le montrer à quelqu'un qui est vraiment pas allumé, puis de le faire allumer, c'est toujours l'espérance de les aider eux-mêmes aussi. Mais là, tu mets ça beau, là. Mais j'aime ça. Le gars qui te crie après pendant une heure et demie. Eric, c'est un sauveur. Le gars qui te crie après pendant une heure et demie parce qu'il va payer ses factures. Non, mais c'est ça l'affaire. C'est que le gars qui me crie après va avoir une hostie de bonne raison pour me crier après. Puis moi, je serais pas la personne qui va être son véhicule de stress là, pour se vider. Je vais être, j'ai assez d'années d'expérience dans le travail avec le public qu'il y a personne qui va apporter ça à un autre niveau avec moi. Je vais les calmer, je vais les rapporter. Puis le pourcentage de personnes qui sont vraiment, vraiment des cas perdus, il est bien plus petit. Mais il y a des personnes vraiment comme qui tuent un petit peu la passion de travailler avec le public, mais j'aime ça. J'aime les spécimens. Les anecdotes, là, j'en ai décrit. Mais t'aimes te pogner un peu. Ben, pas te pogner, mais t'aimes subtilement dialoguer avec les gens, toi aussi. Mais comme toi, ta femme avec son esti de vin, là, ouais. Elle aurait pas aimé ça passer à la caisse avec moi, là, je te le promets. T'aurais sorti ton selfie stick. Non, mais il aurait argumenté probablement dans le genre, mais qu'est-ce qu'il y avait de pas correct, le vin? C'est ça, pis... décris-moi ouais. ton problème avec un gros sourire. Jusqu'à temps qu'elle réalise qu'elle a l'air d'une conne en train d'essayer de faire ça. Non, ça l'aurait pris 3-4 minutes, qui aurait déjà été trop long. Mais quand ça vient à la techno, puis j'ai vendu des jeux longtemps, puis des affaires comme ça, j'aime suggérer et conseiller des gens. Fait que pour moi, en tout cas, j'étais à 36 ans, puis j'étais encore pas burné de ça. Là. Mais à chaque temps en temps, tu fais ce débat. Ça, je te l'accorde. Mais je finis toujours par, après ça, faire un kit de 8 ans capoté parce que j'y montre de quoi de vraiment hot sur le cellulaire. Puis je vois son sourire et j'aime ça. Là. Cool. Alex? Moi, j'appelle du Juicy Fruit Syndrome. Ça veut dire, il y a plein... Non, pas de joke. Mais il y a plein de choses que j'aime, comme intense. Comme, mettons, je commence à jouer à un jeu ou écouter de la musique... Je vais faire ça intense pendant comme un mois, puis après ça, c'est fini, c'est stop, I'm finished, I'm over it. Puis après ça, je reviens. Fait que peut-être une pause avec la musique, sinon, il y a toujours le band Muse. supposément, ils sont bonnes. Ouais, check it, meilleur band au monde. Hey, c'est le U2 de... Ouais, non, je j'accroche. Ils sont pas rendus à se forcer sur le iPod de personne. Yes, sir. Encore. Props. Pas encore payé. Pas encore. Excellent album. Mais merci, Joe, pour ton actualité. Ah, c'était une question c'était, de même. Bienvenue cette semaine. Donc. Qui d'autre voudrait? Eric? Ouais, moi, je vais y aller. Je n'ai pas grand-chose, vraiment. Mais parce que longtemps passé, il y a eu le Elder Scrolls au PC qui est sorti. Puis à cause d'une couple de circonstances, j'ai tombé sur une copie PS3 flambant neuve. Pour jouer avec Alex. Pour jouer avec Alex, qui savait, j'y ai dit. Mais je l'ai finalement eu. J'ai commencé à jouer. Puis je m'avais toujours dit que ce jeu-là, j'étais pour le faire sur une console. Fait que je suis bien content d'avoir attendu pour faire ça sur une console. Pardon. Puis j'aime ça. Il y a une couple de choses là, qui me font vraiment triper sur le jeu. Juste pour décrire un peu... juste pour décrire un peu les choses que j'aime sur le jeu. Mais c'était un jeu que je me suis rendu compte au PS3 qu'il y a fucking bien du monde qui joue. Ouais. Je pense qu'il y a comme un méga server. J'ai pas checké la technique en arrière de ça. C'est des méga servers. C'est ça, tout le monde joue sur le même serveur. Fait pour ça, le jeu il est toujours vivant, puis il y a toujours du monde. Puis ça, j'ai trouvé ça le fun. Puis je trippe bien raide là-dessus. Puis il est très conscient. C'est le genre de jeu qui c'est un Elder Scrolls. Puis c'est un Elder Scrolls qui sait que c'est un MMO. Fait que quand t'arrives à une quête où ce qu'il faut que tu te pognes la rare clé de Strife qui est là, puis comme il y en a juste une, puis tu t'en vas la prendre, mais il y a 5 autres personnes qui sont en train de la prendre aussi pour leur quest, c'est très conscient de comment est-ce que c'est conscient que c'est un MMO, même si t'as une expérience, un joueur qui est là. Fait que je sais pas comment l'expliquer, c'est comme une expérience single player, mais avec plein de monde qui joue. Mais ça me rappelle quand je jouais à Final 11 dans le temps, puis les bards, le meilleur weapon, c'était le Monster Signa, qui était un drop d'un monstre. Il appelait ça un NM, Notorious Monster, qui apparaît pas tout le temps. Mm. Puis, t'avais à peu près 15 parties complets de 6 personnes qui étaient dans le spot. Puis quand le monstre apparaissait, c'était comme le duel de le gars qui a la meilleure connexion avec le meilleur ping pour faire provoke sa bébite, pour la réclamer pour ton party, pour être capable de la downer, pour avoir le Monster Signa. Fait que tu sais, t'arrivais là, mettons, puis là, le monde, il se donnait un chiffre. Puis tu sais, la communauté a travaillé autour de ça. Fait que tu sais, ça, je trouve, c'était cool. Ça donnait l'aspect de rareté un peu au Monster Signa. Mm-hmm. Puis là, comme, OK, j'ai vraiment travaillé pour... Cette scène-là, parce que j'ai joué à Elder Scrolls quand il était sorti au PC, puis je l'ai vécu ce moment-là aussi. Puis tu sais, t'es là, puis... « Wow, c'est cool! » Puis là, t'arrives à la fin de la quest, puis t'as comme 6 autres dudes naked, à moitié vêtus, tout croche, puis tout le monde pogne la clé, puis t'es comme « Ah, ben, je suis pas si hot que ça, finalement. » Pendant ce temps-là aussi, t'as plein d'NPC, parce que les NPC, il y a plein de vies qui se passent, puis il y a des histoires quand tu payes attention. Comme tu vas finir une quête où ce que t'as aidé une femme, Treasure Hunter, à trouver de quoi, puis après que tu finis la quête, ben, si elle va te cacher ton quest, puis tout, puis elle dit... Même ça, si t'attends là, par contre, tu vois une interaction avec elle puis son servant sur qu'est-ce que tu viens de faire pour elle. Puis ils ont comme une belle conversation avec un petit peu de slapstick. Puis quand tu te promènes après ça, t'as sauvé un roi pendant d'être au début, tu sauves le roi quand tu joues avec sur le côté. J'étais à Daggerfall, fait que tu sauves le roi de Daggerfall. Puis à chaque fois que tu rencontres un NPC, l'NPC est comme « Oh, that's the guy that saved the king. Save him from assassins. » Puis tu sais qu'il dit ça à tout le monde. Mais en tout cas, tout ça pour dire que j'aime ça. Puis j'ai vraiment, je pense, j'ai passé proche de tomber en amour avec le jeu, je suis pas sûr encore, mais quand j'ai essayé le PVP, parce qu'ils ont un gros PVP de fou. Les guilds contre les guilds. Je sais même pas c'est quoi, c'est pas des alliances. Guilds, c'est les alliances, t'as trois factions, puis c'est comme une grosse map en triangle, où ce que chaque coin des triangles, c'est les bases principales, puis ces bases-là, t'as plein de forteresses, puis ces forteresses-là, quand tu fais des attaques, c'est vraiment comme des centaines de personnes qui sont en train de rusher avec des catapultes qui pètent. C'est comme jouer à Alterac Valley qui a eu un bébé avec fucking Age of Camelot. Si les gens ont joué à Dark Age of Camelot dans le temps, où tu avais du gros world PvP, où tu pétais tout, etc. Mais le jeu, il est vraiment le fun. Puis dans ce PvP-là, tout le monde protège des Elder Scrolls. Puis ça, c'est une chose que j'aimerais dire. Là. Quand tu joues Elder Scrolls Online... Tu vois le plus de fucking Elder Scrolls qu'on a vu dans les derniers 20 ans que ça existe, cette série-là. Tu peux voir aussi un gars que son but à lui étant un MMO, c'est de pas faire les quests, être tout nu, puis se promener, puis voler tout le fromage qu'il trouve dans le jeu. Pourquoi pas? Lui, oui. Il vole tout le fromage. Mais j'aime ça, j'aime les contrôles, la manière que les contrôles, ça marche avec la manette. Je suis content d'avoir attendu, parce que t'as comme des casts, puis des physical attacks que tu peux bloquer ou interrupt en tenant tes deux gâchettes, L2, R2. Anyways, la manière que les personnages évoluent, je suis content d'avoir attendu, parce que j'avais vraiment pas joué au PC, parce que je m'avais dit que je voulais jouer sur le console. Puis pour ajouter un petit peu, juste pour parler de jeu vite fait, il y a eu le Gamescom aujourd'hui. Puis j'ai regardé ça un peu, j'ai vu bien des annonces cool. Sérieux, là, je suis vraiment impressionné du fait que Sega fait un Halo. Fait que c'est ça. Est-ce que tu joues tout seul ou t'as des amis que tu joues avec? À Elder Scrolls, en ce moment, je joue tout seul. J'ai annoncé à quelqu'un dans le Geek Collectif que j'avais acheté le jeu puis que j'allais l'acheter. Mais il l'a pas acheté encore. Ok, weird, c'est bizarre. Ouais, tu l'as-tu acheté? Non, pas encore. Ah, okay. Non, j'ai pas mal rien fait. Il y a 2 semaines, j'attendais... des nouvelles pour mon ami dans le Geek Collectif que je respecte beaucoup. Oui. Pour dire qui. Est-ce que tu veux qu'on relie la conversation, ce que je t'ai dit, c'est de l'argent. C'est correct. Alex, toi, ton actualité cette semaine, c'est quoi? J'attendais dans le douche, mes genoux sur mon chest, je pleurais. Pas mal ça. Et en passant, est-ce que tu peux jouer comme un Moth Priest comme classe? Un quoi? Un Moth Priest. Pourquoi tu lis juste les Elder Scrolls? Why not? Why not? Mais t'en rencontres plusieurs là, qui lit. Mais comme je te dis, c'est ça existe, l'affaire. Il y a des Elder Scrolls partout dans ce jeu-là. Parce que moi, j'adore le Elder Scrolls, le lore, le univers. Tu vas absolument triper. Ça bleed entre mes actualités. Mais c'est correct, autant que t'achètes le jeu. Oui, ça va être sûr. Ouais, parce que maintenant, je suis. C'est comme. Je vole son. Temps. C'est mon temps maintenant. 4 minutes. Milter pis ses questions rétroactives qui nous font des choses. Fait que... T'aimes le lore de... Ouais, j'adore le lore du Elder Scrolls. Puis moi, pour moi, pour voir Cyrodiil, pour voir toutes les locations, même High Rock, je crois. Ouais. Je sais pas si tous les endroits qui sont ouverts. Mais Cyrodiil, c'est sûrement... la PvP zone. Tu vas pouvoir les visiter avec des Season Pass puis des shit. Non, tu peux tout visiter en ce moment sans pass. Le meilleur moment, c'est quand t'es un elfe, là, puis tu fais des affaires médiévales. Ouais. La seule chose que j'aime pas, c'est que quand tu sans avoir le premium ou quelque chose, ton race est dans une groupe. Quand tu achètes le jeu neuf, il y a le code qui te permet de toutes les faire sur Tamriel Unlimited sur console. Qu'est-ce qui se passe sur les PC, c'est pas ça, mais sur console, tu peux faire ta race pour la faction que tu veux. Fait qu'il faut que j'achète, je peux pas acheter sur PSN. Ben, tu peux l'acheter sur PSN, mais tu achètes le jeu complet qui te donne accès. Ok, c'est parce que quand j'ai vu, il y avait comme deux sortes, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que je vais essayer. Les chevaux sont full médiéval aussi dans le jeu-là. Ils ont-tu des armures? Non. Faut que je fasse une parenthèse, parce qu'André nous écoute parler, puis il parle du gars de Tony qui peigne les fromages, puis il peigne du elf qui parle des affaires médiévales. Tu joues vraiment bien du Rust. Trop de Rust, je pense. Non, mais là, c'est parce que j'ai joué à Elder Scrolls, moi, avant qu'il soit sur console. Avant que c'était cool. Quand il est sorti au PC, là, je l'avais joué, tu t'en souviens, j'avais fait le bêta, on l'avait même mais moi, je m'avais streamé dit illégalement. Ouais, j'avais tout avait fait, je vais jouer sur console, moi, j'avais joué sur PC. On l'avait streamé légalement parce qu'on. Oui, on faisait un Google Hangout. Puis dans Google Hangout, je streamais. Ah mon oui, jeu. C'était marqué Do Not Stream. En bas bêta, c'est vrai. Fait qu'Alex, tu peux streamer illégalement. À part ça, j'ai pas beaucoup de jeux. Maintenant, je recommence avec Assassin's Creed Unity sur mon PS4. Moi, je joue à Black Flag à cause qu'il était gratuit sur Xbox One. Excuse-moi, Black quoi? Black Flag. Ah, ok, excuse-moi, j'ai mal. Puis je me. Black Flag. Ça, c'était un autre site. Mais je suis surpris, hein, j'avais skippé. Il y en a combien en tout? Ça, c'est le 5, Black Flag? 4. En tout cas, Unity 4.5. Il y en a peut-être un ou deux qui n'a pas rapport. Là, il y a Brotherhood, puis c'est des. Mais en tout cas, peu importe, je sais qu'il est vieux, mais ça faisait longtemps que j'avais pas joué, puis j'ai été vraiment les mauvaises surpris, zones, genre, comment que je suis rendu à 65%, je trouve tous les petits trésors, puis les Animus shit. Là. Les mauvaises angles vont dire que Black Flag, c'est le dernier bon Assassin's Creed. Mais ça, c'est des mauvaises angles. Non, mais c'est con parce que c'est pas vraiment un jeu d'Assassin's Creed. La plupart, c'est un jeu de pirate, un bon jeu de pirate. Avec le air kill, tu sais, le air assassination. Ouais. Puis des bateaux là, médiévales. Là. Moi, j'aime le lore. J'aime le lore du série aussi. Mais j'aime l'histoire. Syndicate, c'est le plus nouveau. Plus ou moins, sauf les. Ah, je ne peux pas dire des spoilers, mais ça fait des années. Fait moi, j'ai skip toutes les cinématiques. Mike Frank, toi, I don't give a. J'aime fuck le backstory, j'aime story, pas là. Tellement l'histoire de les First Humans, puis tout ça. La première fois que j'ai vu ça, Ezio est là avec des fucking aliens. J'étais comme, ok, oublie ça. Non, mais on s'entend qu'Assassin's Creed, là, ils sont complètement dérapés dans ce l'idée, story-là. Ils pouvaient juste rester avec le. L'anibus. Le bébel magique, whatever, puis. Non, même pas ça, juste le Templars versus Assassins, sans avoir le. Moi, pour moi, que j'aime pas beaucoup. Mais Unity, plein de bugs, c'est juste comme genre filler avant que Syndicate sort. Puis récemment. Syndicate va être le filler avant que le prochain sort. Ouais, c'est Unity, ça. Unity, c'est le waiting period, le filler, juste avant que Syndicate sort. Mais là, c'est quelle époque, là? C'est la France, Baroque. Paris, ouais, c'est Paris. Paris. Moi, les Français, en plus, j'ai bien de la misère avec ce genre. Est-ce que tu vois une révolution? J'ai le goût de changer la langue pour français parce que tous les Français ils parlent British. Ça marche pas vraiment. Ça marche pas vraiment. Hein, quand j'avoue que c'est si un jeu que tu joues en français, c'est celle qui se passe en France. Absolutely have to destroy Monsieur de la Serre. Monsieur. Monsieur de la Serre. Je vais faire le sieste de Poupou. Mais moi, je trouve ça drôle, pareil. Parce que dans les jeux d'Ubisoft, dans le justement Black Flag, là. Un moment donné, t'es sur le balcon, pis tout, pis t'es comme dans le vrai monde d'aujourd'hui, là, je sais pas comment dire ça, là, quand le gars, on dirait qu'il est dans un bureau d'Ubisoft, dans justement, là. Ouais, c'est parce que dans c'est le temps actuel, ouais, ça, c'est tu vois Montréal, peut-être. Ouais, mais ça, t'es là, pis tu regardes l'affaire, pis tu parles, pis y a le gars qui te parle en anglais, pis à toute fois qu'il te parle, pis qu'il y a un employé qui passe, il fait quelque chose comme, hey, je m'en viens te rejoindre, prendre un café dans pas long. Ouais. Pis il continue à te parler en anglais, comme si rien n'était, mais toute la staff est français. Puis pendant que t'es sur le balcon avec lui, il y a comme deux autres personnes plus loin, puis il y en a un, il fait comme, hey, c'est beau en tabarnak, la vue, puis tout, mais c'est que... Ouais, nous mais autres, moi, on est pas... Techniquement, t'es pas supposé de comprendre, mais tu sais, nous autres, c'est comme, oh yeah, petit inside. Exactement, c'est ça que j'ai... Parce que j'ai joué à Black Flag sur PS3, j'ai le goût de peut-être acheter sur PS4, aussi, juste parce que j'ai adoré le jeu. Il est le pirate mécanique dans ce jeu-là. Là, tu... Mais c'est-tu lui qu'on peut jouer à 4? Non, ça c'est Unity. Puis la dernière chose à propos de Assassin's Creed, c'est... Cool? J'ai vu la vidéo Jonathan Dankoff. C'est lui qui travaille chez Ubisoft. Puis c'est quelqu'un que, qu'est-ce que j'ai compris, il était comme un peu called in pour aider le désastre de Unity. Fait qu'ils ont fait un test de game avant, puis ils ont réglé des bugs, ils ont changé des choses à propos de qu'est-ce que les joueurs pensaient. Puis j'ai trouvé ça une bonne idée. J'adore quand il fait ça, quand il se comprend qu'on a fait des erreurs, puis on va régler ça après. Pour clore ton sujet, on a un input d'un insider, un ex-insider sur le chat. Les accents british, c'était un call du directeur créatif chez Ubisoft et tout le monde trouvait le move étant, tout le monde disait que c'était un move jambon. Merci Michael LaRouche de cette information à propos du jeu. Quel accent? Les accents british en France dans Assassin's Creed. C'était le directeur créatif chez Ubisoft à l'époque qui avait fait cette demande-là puis tout le monde trouvait que la demande était ridicule, mais vu que c'était un directeur, tout le monde l'a fait. Mais c'est ça, tout le monde sait qu'en 1700, les Français parlaient avec un accent british. Mais c'est vrai, c'est pour ceux qui ont fait une révolution. Mais je me disais la même chose pour Amadeus, dans le fond. Pour réclamer leur accent. Quand tu regardes Amadeus en anglais, c'est des accents britanniques. Toi, Guillaume, ta semaine? Je vais faire un mini segue. Ils ont parlé beaucoup de Elder Scrolls. Moi, j'ai pas joué à Elder Scrolls, mais j'ai vraiment joué énormément à Skyrim depuis la dernière semaine et demie. Là, j'ai non-stop. Là. Avec ou sans mod? Non, sans mod. Là, j'allais au Xbox. Sinon j'ai acheté Star Wars Knights of the Old Republic 2. Il vient d'avoir un sur Steam, il y a eu un patch HD pis tout, c'est que je l'ai pas encore installé, mais ça c'était juste mes actualités gaming rapidement. Ma vraie actualité, c'était un peu un retour sur mon voyage. J'aime le fait que vous avez toute une fausse actualité puis une vraie actualité. Non, mais c'est juste un genre ça de faux 5 secondes. Mais c'est juste pour que j'aille l'air partie de la gang. T'sais, genre, moi aussi, ça m'arrive de faire des jeux vidéo. Comme dropper que Kermit a divorcé Miss Piggy. Mais gars, on n'en parle pas plus. Mais ça fait depuis le début qu'on fait ça. On jase. <là. rire> Mais moi, je voulais parler de mon voyage. Vous m'avez parlé un peu dans le dernier épisode, la route 66. Donc, j'ai fait un 4800 km de voiture en deux semaines. C'est pour ça que t'étais pas là au dernier épisode. Route 66, on parlait pas de toi, on parlait du bord de danseuse à 130. Ah, ok. Mais en tout cas, j'ai entendu mon nom être name-droppé, comme quoi j'allais perdre mon hypothèque à Las Vegas. C'est pas arrivé. Mon budget. T'as l'air d'un gros gambler en plus. Mon budget c'était 100$ pour moi et ma blonde pour le gambling. C'est que ça donne une idée. Là. Ils ont gagné 15 000, mais ils ont tout flobé ça avec. Ouais, exact. Non, comme dans le film avec Jason Statham, dans le Golden Nugget. Oui, en effet. Non, c'est ça, c'est que Arizona, Nouveau-Mexique, Utah, Colorado, Nevada, évidemment. Tout en char. T'as pas fait? Tout en char, oui. 4800 km en deux semaines. C'est que on a roulé, j'ai pris du soleil, j'ai eu des crises d'asthme dans le Grand Canyon. C'était très spécial. Bon, c'est quelque chose que je recommande à faire, pas mal à tout le monde de faire. Les crises d'asthme? Oui, exact, les crises d'asthme. Non, aller faire ce ton genre de... T'avais aussi ou t'étais... Non, juste moi, ma blonde. Mon gars, il était avec sa mère, okay. Puis dans une autre contrée éloignée. Mais... mais non, c'est ça, c'est fort intéressant, mais je m'étais donné une petite mission geek à moi-même pour le voyage, c'est-à-dire je voulais aller faire du genre de game chasing de comics. Puis je m'étais dit, ben, étant donné que la grosseur moyenne des villes que je visitais était genre le tiers de Mascouche, c'est-à-dire ça avait l'air, c'était tous des petits bleds perdus que genre de 10 000 habitants et moins, j'avais spoté deux villes, donc Salt Lake City puis Las Vegas. Fait que t'es allé à la plaine. Genre, c'était des La Plaine USA. Salt Lake City, c'est un La Plaine. Non, j'ai spoté. Faut que tu suives, okay, Joe. Non, non, mais j'étais plus sûr. J'arrêtais juste dans les petites villes, fait que j'ai spoté deux places, Salt Lake City. Non, j'ai dit, vu qu'il y avait juste des petites villes, j'ai gardé deux places. Donc, Salt Lake City et Las Vegas. J'étais comme, fuck. Mais Salt Lake City, honnêtement, c'est peut-être comme Laval, sans la qualité des magasins. C'est pas une grande ville. C'est grand, mais je dis, c'est pas une énorme grande ville. C'est vraiment plus petit que Montréal. Il y avait un magasin de comics qui avait été suggéré selon mes recherches Google, puis honnêtement, le magasin était à peu près à la grandeur du salon André avec la cuisine, c'est que c'était quand même relativement petit pour un magasin. C'est gros? Ils ont du pied carré? C'est plus gros que la boîte à BD en partant. Ben non, mais c'était à peu près gros comme la boîte à BD, mais plus rectangle, moins carré. OK. Le staff était super sympathique, mais à un moment donné, c'est parce que ils ont tellement pas de place que, tu sais, toutes les comics sont cordés, genre, ultra intense, et que t'es comme pas capable de naviguer dans les bins pis tout ça, puis les prix, ils valaient pas la peine, les sélections étaient pas cohérentes. Surtout que le taux de change. Ouais, exact. Le taux de change est comme droppé énormément, comme un mois ou deux avant que j'aille en voyage. Ça m'arrive tout le temps. C'était avant d'être du 2 pour 1, là. Oh, mais ils savent. Ouais, pour pendant les vacances, oublie ça. Mais, finalement, j'ai rien acheté, mais, je me suis repris à Las Vegas. J'avais fait une liste de 3 magasins. Il y avait Cosmic Comics, qui avait Alternate Reality Comics et Maximum Comics. J'ai gardé ces derniers-là pour la fin. Ces mots sont pas vraiment originaux comme nom de magasin. C'est pas très original, mais elle m'a dit qu'honnêtement, au Québec, on n'est pas bien venus. Non, mais c'est ça que j'allais dire aussi, là, mais il me semble les magazines comics, je les trouve souvent pas originaux. Mais non, en effet. C'est... Par contre, ils se reprenaient pour le contenu à l'intérieur. Alternate Reality Comics, c'était quand même plus un magasin qui faisait penser à Millennium, là, qu'on connaît sur le plateau Mont-Royal. Mais Maximum Comics, ils ont 3 magasins à Las Vegas. Ils ont un magasin entrepôt, 2 autres magasins réguliers. En tout cas, si jamais quelqu'un va à Las Vegas, il se doit absolument d'aller, s'il aime les BD, on s'entend, là, ou les mangas ou autres trucs de collectibles, il se doit d'aller à Maximum Comics. Moi, j'ai été là pour chercher plus des numéros spéciaux, là. Exemple, Spawn numéro 2, Spawn numéro 7. J'ai pogné The Ultimate Spider-Man. Est-ce que ça vaut un Spawn numéro 2, nos jours? Ça vaut 9$, j'ai payé 10$. Mais le gars le vendait 15. C'est pas le numéro 2. Il vaut 9$. Numéro 1, il vaut combien? 15, à peu près. Ah, je pensais que ça valait plus. Mais ça dépend, là, parce qu'au BD maintenant, il y a les grading. Là. Tu peux les sealer dans des trucs salés. Puis là, ça vaut, ouais, ça vaut. Là, ça monte la valeur. Mais sinon, je fais mon segue d'actualité. On le verra peut-être pas à la caméra super bien, mais pour ceux qui nous écoutent sur le stream. En audio, j'ai dans mes mains le paperback d'une BD qui s'appelle The Red Wing. C'est écrit par Jonathan Hickman puis dessiné par Nick Pitera. Pourquoi j'en parle? Mais principalement parce que des fois, quelqu'un qui veut lire des BD, souvent il dit ah, il y a 150 numéros, 600 numéros, 700 numéros, comme Amazing Spider-Man dans le temps. Il trouve ça un peu épeurant, tandis que ça, c'est un paperback. Donc, c'est 4-5 BD, c'est tout, c'est une mini-histoire, puis c'est, il y en a plus d'autres. C'est that's it, that's all. C'est que t'as pas besoin d'acheter comme 1 million de livres. C'est comme un Star Wars. Genre, Hickman, l'écrivain Hickman, juste pour vous donner une idée, là, c'est lui qui a été le mastermind en partie en arrière de l'événement Secret Wars qu'il y a en ce moment. Il était l'écrivain pour toutes les Avengers, Darks, Secret Warriors, toutes les histoires. Il a travaillé dans. C'est une grosse vedette Marvel, puis il a toujours fait des projets personnels. Puis ça, c'est un de ces genres de petits projets personnels qu'il a fait en 2011. Puis Nick Pitera, qui est l'artiste, est un cinglé au niveau de la qualité. Il est éclaté. Attendez-vous pas à avoir des gros pecs, des grosses boules, puis des fusils, puis des pouches partout, là, comme pis du lycra. Là. C'est vraiment un style un peu... vraiment plus du lycra. Non, c'est pas du Rob Liefeld des années 90. C'est très artistique. Je vous recommande d'aller le voir sur Google Image. Ça va vous donner une idée. Tu sais, c'est un paperback, c'est 20$. Même temps, c'est ça 20$? Même pas, là. C'est comme 15$. 15$, puis... Donc 25 Canadiens. Non, non, mais maintenant, les bandes. Non, mais au Québec, honnêtement, ou sur Amazon.ca, c'est pas très cher. Puis ils vont jamais vous charger le full. Ils vont vous charger en comme 10% de plus, 15% de plus. Mais ça vaut vraiment la peine, je vous le suggère. Si t'es un plus Amazon Gold Members. Pour ceux qui sont plus bandes fanatiques, pas de bande dessinée, mais de jeux vidéo, tu sais, j'avais un petit souvenir, je pensais à vous. Je me promenais, puis j'ai vu une couple de magasins de jeux vidéo, mais là, je voulais quand même pas revenir de ce voyage célibataire, donc je n'ai pas été visiter les magasins de jeux vidéo. J'ai assez fait subir de bande dessinée à ma blonde que j'ai décidé que c'était assez, mais... C'est une chose qui est intéressante en voyage, de toujours garder un peu une couple de minutes, une couple d'heures pour soit aller voir des flea markets, des magasins d'antiquités ou quoi que ce soit, puis essayer de trouver des trucs intéressants. Je pense que même Dom Bourré en parlait dans un de ses podcasts récemment, là, qui avait fait ça à Old Orchard. C'était mes actualités. Cool. Moi c'est un peu plus... c'est drôle, j'arrive à la fin du segment de l'actualité, mais mon actualité cette semaine, c'est arrête d'écouter le stream, si t'es en ligne. Ben en fait, écoute ce que je vais dire, puis ensuite, ben arrête. Il y a des émissions à la télévision présentement que tu devrais écouter là. Mais tu sais, là, voulant dire maintenant. T'écoutes le podcast, tu vas m'entendre parler de ces émissions-là, puis tu devrais être en train d'écouter ces émissions-là. Je sais qu'on est bon, puis on est drôle, puis on a du fun ensemble. Ou aller les programmer pour les enregistrer dans ton PVR au moins. Ou fais ça, ou... Mais écoute-les, regarde... tout de suite. Parler en torrent. Abonne-toi à AMC. Premièrement, ben, si t'écoutes pas Halt and Catch Fire, tu passes à côté d'un des meilleurs moments télévisés que j'ai eu des dernières années. J'approuve. C'est une série remarquable qui joue sur AMC, effectivement. On en a parlé parce que la saison 1 est sortie aussi. On a parlé de la saison 1 qui est un peu, dans le fond, un lancement. C'est le lancement du clone de l'ordinateur portable, dans le fond. C'est ceux qui ont inventé le pas IBM, le pas si. C'est ceux qui ont reverse engineer, je connais pas le terme français, la puce puis le BIOS du IBM à ce moment-là, qui ont comme craqué carrément ça. Mais l'histoire est beaucoup plus que ça. J'ai jamais été aussi surpris par une télésérie que Halt and Catch Fire, qui ont des bons rebondissements. Halt and Catch Fire, c'est le genre d'émission que t'écoutes puis t'as l'impression de tout le temps avoir à peu près 10% de la vision globale des écrivains. C'est génial, saison 2 vient de se terminer. Écoute ça en rafale, c'est incroyable. Combien d'épisodes par saison? 10 épisodes. Ça s'écoute bien quand même. Ça s'écoute très bien, puis je trouve j'aime le flow de ça. La deuxième, c'est un peu dans la même thématique informatique, Mr. Robot. Oui. J'ai déjà parlé de Mr. Robot. Si t'écoutes pas Mr. Robot présentement, t'es encore en train de passer d'un des meilleurs moments télévisés. Ouais, USA aller, Network. Je pense que je vais m'en aller. Je n'écoute pas un. Bon, tu vois, Joe, vas-y. OK, ben, merci pour asseoir. Là. Ça fait plaisir. Mais Mr. Robot du réseau USA. USA, dans le fond, qui est mieux connu pour l'émission Suits. Par contre, Suits joue, puis tout de suite par après, c'est Mr. Robot, qui est une histoire d'un pirate informatique qui travaille pour une firme de sécurité informatique qui fait de la sous-traitance pour l'équivalent d'un Johnson & Johnson, mais plus evil. Là, ça s'appelle E-Corp, dans le fond. Eux autres, ils l'appellent Evil Corp. Puis, il y a une bonne intrigue là-dedans. C'est un peu un petit tie-in à certains films qui existent que je ne nommerai pas, parce que je ne vais pas vous mettre sur une piste parce que je pense que j'ai une idée de l'intrigue. Mais c'est le même créateur, excuse-moi, je ne savais pas, c'est comme le gars de Suits qui a créé... Non, c'est Sam Esmail qui a créé Mr. Robot. C'est juste le même poste. C'est le même poste, c'est juste USA Network là, dans le fond. C'est genre puis, comme Full House suivi par Family Matters. C'est ça, exactement. Okay, ouais. USA Network, c'était quelque chose que je ne connaissais pas beaucoup avant Suits, puis Mr. Fait Robot est génial. Où, c'est quel canal sur Vidéotron? Écoute, très bonne question. je pense que c'est Showtime. Non, mais c'est ça, Showcase, je pense que c'est la sous-traitance ou... qu'on va avoir nous autres ici au Québec. Mais c'est incroyable. Props à cette émission-là, ils réinventent le générique à chaque émission. En fait, il n'y a pas de générique, c'est toujours du nouveau. Il y a des vibes un peu American Psycho dans la cinématographie. Le soundtrack est juste fou. Ça se passe dans les années 80? Ça se passe aujourd'hui, puis c'est ce que j'aime, c'est que ça se passe maintenant. Puis tu sais, c'est pas un pirate informatique du genre type cookie et dimwit. Puis tu sais, on compare souvent à Hackers. Mais en réalité, celui-là, il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a beaucoup de... Jeunes loups. C'est plausible, dans le fond. C'est poussé un peu sur certains dossiers, mais c'est très plausible. J'adore Mr. Robot. Un autre petit truc, là, il y a des gens qui vont dire « America, fuck yeah », mais on a eu des trucs un peu plus dramatiques comme « Halt and Catch Fire », qui est comédie dramatique. Ben, je pourrais pas dire comédie. C'est de l'humour noir, c'est dramatique. « Mad Men des années 80 ». Le « Mad Men des années 80 ». J'ai lu un article, justement, puis je t'en ai parlé ce matin, Eric, où ça disait « Halt and Catch Fire » est devenu le nouveau « Mad Men » quand ils ont arrêté d'essayer de devenir le nouveau « Mad Men ». Ils ont trouvé leur niche, leur son. Je trippe. Juste un dernier parenthèse, parce que je viens d'y penser, mais Halt and Catch Fire, le directeur sonore de la télésérie, quand que les créateurs ont créé les personnages, lui, il a créé des soundtracks des années dans lesquelles ça se déroulerait en disant « ton personnage écouterait ce genre de musique-là nice. ». Ça a façonné un peu les personnages, et ces soundtracks-là, ces playlists-là, en fait, sont toutes disponibles sur Spotify. Fait que moi, j'ai une playlist Spotify pour tel personnage. Marketing. C'est vraiment bien adapté pensé, parce qu'à chaque début de playlist, t'entends le directeur et dit « ok, tel personnage est un peu plus rebelle, un peu plus punk rock, elle a eu des influences de ça, telle affaire. » Fait que, porte un peu trop de maquillage, mais c'est ça. Tu sais, on est rentré là, puis c'était dans les années des Brit Invasion, fait qu'on a tel Clash, groupe, on a telle chose, The Cure venait de sortir tel album, puis tu sais, il explique tout le derrière de ça. Fait que Halt and Catch Fire, Mr. Robot, écoutez ça. Le dernier, c'est un peu plus d'America Fuck Yes, c'est un peu plus le côté viscéral, c'est un peu plus le côté Le côté américain patriotique, c'est The Last Ship sur le réseau TNT. Props. C'est super bon, The Last Ship, inspiré d'un livre où il y a un destroyer américain qui est en mission dans l'Antarctique, en train de faire des recherches avec un scientifique. TNT, je pense que c'est Brock... Est-ce que c'est Brockheimer? Ouais, c'est son style en tabarouette. Je crois que c'est Brockheimer. Ouais. Guillaume va pouvoir le valider. C'est mais en gros, Turner, c'est TNT. Ils sont en Antarctique en train de faire des recherches. À un moment donné, ils reçoivent un message encrypté du président des États-Unis qui dit « Écoutez, il y a une pandémie globale. Là, c'est rendu, tout le monde meurt. Il n'y a aucun virus qui fonctionne. Il n'y a aucun vaccin qui fonctionne. La civilisation va s'arrêter comme ça se peut pas. » Donc, Nathan James, vous êtes le dernier espoir à ce moment-là. Trouver là, un moyen d'arriver avec la cure, des choses comme ça. Saison 1 est déjà terminée. On est dans la saison 2 quand même très avancée. Puis Michael Bay, bon tu vois, puis, executive producer, ouais. Il y a quelque chose où la saison 1, j'aimais beaucoup, ça s'en allait. Puis quand ça s'est terminé, j'ai fait je suis pas sûr s'ils font une saison 2, comment ça va aller. Et ils ont trouvé un moyen de me réaccrocher dans l'histoire. Je pense tout à Mike Garceau qui s'il écoute encore le podcast, il va m'entendre parler, il va faire fuck that le Michael Bay. Puis ben Michael Bay, tout, non, mais attends, c'est executive producer, c'est oui, que c'est pas mais c'est très c'est tu rentres pas en écoutant The Last Chip en disant je vais écouter quelque chose de très profond, de très philosophique. Par contre, j'ai aimé, il y a des touches un peu de The Hunt for Red October dans le fond où t'as des sous-marins puis t'as d'autres bateaux aussi. Surtout dans la saison 1, t'as une intrigue avec un commandant russe qui a un bateau avec des capacités nucléaires à ce moment-là. Puis t'as souvent un peu, encore une fois, je suis désolé, j'en perds mon français, mais un stalemate où ils sont dans un coin puis il y a comme une tension palpable. Puis j'ai adoré cette série-là. Fait que présentement, mes trois recommandations pour vous, c'est Halt and Catch Fire sur le réseau AMC, Mr. Robot sur le réseau USA et The Last Chip sur le réseau TNT. TNT, c'est eux autres qui ont fait aussi Falling Skies, qui est une série de science-fiction. Très bonne. Qui est excellente. Saison 5 ou 6, je crois. Malheureusement, j'ai perdu du retard à un moment donné. Comme vous pouvez le comprendre parce que je dis, j'écoute beaucoup trop de séries télé. Des fois, je dois faire des concessions et j'en laisse passer. Juste pour vous mettre en contexte, j'ai adoré True Detective Season 1. La saison 2, je les enregistre, mais je ne les écoute pas parce que je préfère écouter Halt and Catch Fire, Mr. Robot et The Last Chip. Donc, live là, allez écouter ça, rajoutez ça dans votre liste de. Fait que tu veux que je m'abonne à trois nouvelles chaînes. Là. T'as trois chaînes à t'abonner, Joe. Malgré que j'ai déjà MC, fait que j'espère avoir un deal si je prends deux autres. Là, mais je pense qu'il n'existe même pas les deux autres, faut que tu trouves la sous-traitance. Faut que tu trouves la sous-traitance, mais c'est vraiment ton guide ou c'est sinon, le 12, le 12 que t'as pas le câble, c'est pas global. CTV, ils vont rediffuser souvent ces séries. Mais USC puis TNT, il n'y a pas ça ici. TNT, on a un poste, je pense, c'est Showtime. Action. Spike ou Action. Showtime Action. Ouais, Showtime Action qui vont rediffuser leur contenu. Okay. Ben, j'ai les deux. Sky, je l'écoutais là-dessus. J'ai puis les Suits deux. Joue sur un autre poste aussi présentement. Pas Suits, je le pogne puis j'ai pas le câble. C'est, que... c'est ça. Fait qu'il doit y avoir Mr. Robot qui va jouer là-dessus aussi. Mais en gros, écoutez ça, c'est génial. Sur ce, ben, courte pause, on s'en va justement faire un petit vidange, un ravitaillement, puis on revient avec le sujet principal de la semaine, oui. Les samedis matin. Yes! Sujet de la semaine, les samedis matin, plus précis. Vous m'avez tout mélangé, là. Principally. Mostly. Donc, plus précisément, les cartoons. Quand on était jeune, on écoutait des cartoons, on a eu un attachement émotionnel, un paquet de trucs. On va expliquer le phénomène de l'adolescence. On va parler des cartoons de jeunesse, des samedis matins. Un peu tour de table pour apprendre à connaître un peu tout le monde autour. J'aimerais ça savoir. Puis j'ai des règles. Parce que j'ai toujours des règles. Il y a toujours une poigne. Comme ça va avoir deux minutes chaque. Puis ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que pendant que vous allez commencer à l'expliquer, ben, je vais partir un timer de deux minutes pour être sûr qu'on déborde pas les deux minutes. Donc, timer, minute, on y va à deux. OK. Donc, le timer est prêt. Vous allez nous présenter le cartoon mémorable de jeunesse. Puis ce que je vais faire, c'est qu'à la fin de votre explication, dans la magie du podcast, on va se laisser un 15 secondes où je vais insérer votre thème de votre émission de jeunesse. Parce que l'affaire jouait avec le téléphone proche du micro, mais ça sonne le cul. Ça sonne comme dans une canne de concert. Ça sonne comme un. Puis on s'entend que ce moment-là, que la toune joue, va être un moment awesome de nostalgie. Certainement. Pour tout le monde. Le poil drette sur le bras, c'est... le glitter, dans le dos, tout, c'est ça. Je pense qu'il n'y aura jamais eu un plus grand moment de podcasting dans l'histoire du podcast québécois. Certainement. Certainement. J'espère juste que jamais personne qui a annoncé qu'il venait d'avoir son premier enfant parce qu'on vient de tuer le moment bien avec nos tunes. Donc, un seul show, un cartoon favori, 2 minutes pour l'expliquer, maximum. Qui débute? J'aimerais qu'avant qu'on débute, que les auditeurs prennent conscience de la difficulté de ce choix tordant. Un, parce juste que un. André a vraiment précisé un seul et il était un peu violent avec nous autres. Ben en fait, là, c'était un peu. J'ai pas le choix d'être violent avec vous autres. Un peu. À chaque fois que je vous brûle pas avec mes cigarettes, là, vous comprenez pas? Avec mes cigarettes que tu fumes pas. Tu sais, je vous les fais fumer puis je vous brûle avec après. Tu sais, pour que vous compreniez c'est quoi l'ampleur de. Non, mais il y a une raison simple, c'est que parce que c'est bien facile de tomber dans le créneau de on est un podcast geek, puis là on est autour de la table, là, hey, tu te souviens-tu dans Flintstone? Des hey, listes. Tu te souviens-tu? Puis là on fait des listes, puis on drop, puis on masturbe notre ego en se rappelant quelle émission était le fun. Puis là c'est le but du gars qui va trouver la plus obscure. Puis... Non, nous autres, on a une liste de questions et de sujets qu'on va aborder, et on va se servir des émissions pour renforcer. Moi, celle que je peux te dire, là, je pense que je vais commencer. Fait que je pars en 2 minutes? Ouais, pars en 2 minutes. 1, 2, 3, c'est parti, mon Joe. L'émission que j'ai pris, que j'écoutais dans ma jeunesse, qui est probablement un des cartoons que je me souviens que j'écoutais quand j'étais le plus jeune, genre un de mes premiers souvenirs de j'écoute un cartoon, et que la raison pourquoi je l'ai pris, c'est pas nécessairement parce que je n'ai pas eu d'autres mieux que ça avec le temps ou quelque chose, c'est que je pense que c'est le seul que quand ça joue à TV, je réécoute et que j'ai même acheté le coffret DVD. Pis, c'est-tu là que tu fais jouer la chanson thème ou à la fin? C'est juste à la fin, ok. Ben, c'est Spider-Man 1967. Mm. Puis, il y a un côté campy, il y a un côté nostalgie, il y a le côté que j'avais genre 4 ans, puis j'avais aucune idée que ça avait été fait en 67. T'sais, moi, je suis né en 81, fait qu'en 85, genre, j'écoutais des reprises de ça, puis. C'était incroyable. Là. Pour moi, là, j'étais comme « Wow, Spider-Man ». C'est de même que j'ai découvert Spider-Man, qui est un de mes super-héros préférés depuis toujours. C'est Spider-Man ou Spider-Man? Spider-Man. Okay. Spider-Man, c'est mon deuxième super-héros préféré. Il est totalement différent. Il n'y a aucune ressemblance. Mais googlez ça, vous allez voir les non-ressemblances, c'est évident. Mais c'est à partir de là, le campiness, toutes les... Pour moi, c'était cool, c'était écœurant, c'était... Exactement ce qu'il fallait. Il y a jamais, c'était pas trop compliqué. C'était des fois 2 épisodes de 15 minutes à une demi-heure ou une demi-heure. Oh shit, il y a un criminel. Il trouve Peter Parker. Ça finit là. Tout le monde connaît l'histoire de Spider-Man. Tout le monde sait comment c'est cheesy. Shout out au acid jazz qui joue en background. Vraiment fusion. Fucking nowhere. Pendant que genre il web sling en dessous d'une Manhattan qui flotte pour une raison inconnue avec des intraterrestres, genre saison 2 là, c'est déjà il y a 6 saisons là, puis comme déjà saison 2, il est comme OK, on a fait le tour des criminels qu'on connaît. Acid jazz, les créateurs étaient sa drogue. Merci. On met la toon theme. Fait que là on va mettre un 15 secondes de toon theme. Je veux juste rajouter là, avec la toon theme, là, tu vas mettre l'original. Oui. Pas la version d'Aerosmith. C'est pas d'Aerosmith, mais c'est pas la même série. Mais j'invite quand même les gens à écouter la version de The Ramones, si vous la connaissez. Excellent, pas. Excellente, en effet. Parce que c'est la cover song de l'original. En tout cas, les deux sont incroyables à leur façon. Fait que... Donc, voici la chanson thème de Spider-Man 1967. Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Hey, c'était vraiment bon, ça. J'ai essuyé une larme. C'est fou. J'ai vraiment retourné à mon enfance. Écoutez The Ramones aussi. Écoutez The Ramones. Ben, merci, Joe. Bienvenue. Qui veut enchaîner? Ah, je peux y aller, moi. Eric, 5, 4, 3, 2, 1, go! Alors, cette histoire commence dans un passé assez lointain, un passé en 83, où moi, j'avais passé l'automne, parce que j'étais un enfant né au mois de novembre, fait que j'avais passé l'automne à triper sur un dessin animé qui s'intitulait He-Man. Je pense que j'aimais ça à cause que il y avait plein de shit fucked up mélangé en un. T'avais le barbare, que je trouvais ça hot. T'avais des épées. T'avais des espèces sci-fi, des vaisseaux, des space bikes. Du monde qui prennent le temps quand même d'embarquer sur un tig, même s'il y a des affaires vraiment plus cool à rider. c'était vraiment ça. Mais ça commence vraiment en 83. J'avais... Puis, tu sais, quand t'es à 5 ans, moi je suis en 78, fait que novembre 83, c'était ma fête. Puis, tu sais, 5 ans, c'est une des fêtes qui sont cool. Ta mère va prendre le temps d'inviter tout le monde dans le quartier, etc., plein de kids. Puis, calice, j'ai eu quasiment tout le fucking kit de He-Man en jeu, jouet. Wow. Fait que, tripper sur le dessin animé. Puis après ça, à Noël, j'ai des photos de ça. Il va falloir que je les trouve là, de cette fête-là où ce que j'avais toutes les jouets de He-Man. Là, j'étais le jeune et plus heureux au monde. Puis j'ai regardé le cartoon. Puis ce cartoon-là, sérieux, c'est... Je pense que c'était un des cartoons qui a vraiment marqué les années 80 d'une manière incroyable. Je sais qu'André et tout le coffret, tout le monde l'a écouté. C'est genre de la première fois où j'ai regardé un dessin animé. Puis je me rappelle suivre dans les magazines qu'il y avait un film qui était pour se faire. Puis on en parlait avec des kids dans les cours d'école. Puis je trippais bien raide. Avec Dolph. Ouais, avec Dolph, qui était le fucking méchant dans Rocky IV. Fait que c'était juste parfait. Puis c'est ça, j'ai adoré ce cartoon-là. Anecdote intéressante que j'ai vraiment appris dernièrement, mais c'est le fait que c'est Mattel qui ont pas mal créé ça à cause qu'ils ont fail avec Star Wars, puis ils ont pas acheté Star Wars pour les jouets. Shout-out aux effets sonores de laser de He-Man. Ouais. Hey, je l'ai fait deux minutes. Je l'ai fait en deux minutes. Je veux juste te bonifier d'une affaire parce que t'as parlé du coffret justement que j'ai trouvé dans un marché aux puces. Une bonne deal, je m'en rappelle quand tu l'as eu. Ouais. J'ai He-Man saison 1 complet. J'ai même aussi la saison obscure de He-Man qu'ils ont faite dans les années 90. Masters of the Universe. Est-ce que ça a affecté ton sexualité du tout? Rien changé? Ou... Non, écoute, je suis toujours aussi bicurieux, puis... Questions answered. Donc, non, mais He-Man, ça a été un remake écœurant, ça a été des saisons remarquables des années 80. Des jouets géniaux. Mais surtout, puis on va en parler de ça tantôt aussi. Une là. Chanson incroyable qui ouais, est oui. He-Man. Là, je me demande juste au montage. Non, je te mets pas celle-là. Je mets pas en français, hein. Tu mets pas en français, tu mets okay. La vraie, comme je l'ai écouté, en anglais. Peux-tu faire une requête? Oui. Comme je te disais avant le podcast, avant qu'eux autres y arrivent, André, si on est capable, avec le bruit spécial de la compagnie, avant avec l'animation au début que Mettez j'ai oublié, si tu, non, mais ça fait un... Puis je vais faire une affaire. On fait jouer la chanson thème là, puis je vais faire une promesse avec les auditeurs par après. Tu l'as, là? And the masters of the universe! I am Adam. Prince of Eternia and defender of the secrets of Castle Grayskull. This is Cringer, my fearless friend. Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my magic sword and said, By the power of Grayskull! Fait que là, dans le fond, tel que promis que les auditeurs, moi, j'ai quelque chose que je vais vous partager sur la page du collectif. J'ai fait un voyage au Salvador, voilà une couple d'années, puis j'ai filmé avec un sel merdique la télévision parce que j'ai écouté He-Man en espagnol. T'as encore cette vidéo-là. Le lendemain de brosse, assez corsé, que je me réveille dans la chambre d'hôtel, puis la veille, je me suis endormi sur Full House en espagnol, puis je me réveille le lendemain matin sur... He-Man en espagnol qui était vraiment cool. Fait que je vais essayer de trouver ce vidéo-là pour vous le mettre sur la page du collectif sur Facebook. Donc, si vous écoutez le podcast, allez fouiller sa page de Facebook, vous allez probablement trouver ça. Puis, moi, je m'excuse, vidéos, mais je trouve du Spanish Michel Tanner. Tabarnak, ça doit être c'est drôle, malade. Ça. Non, mais tout est en espagnol là-bas. Puis tu sais, c'était pas genre des émissions Stephanie. Récentes en espagnol. C'était ouais, du vieux c'était... stock en espagnol. C'était génial. Juste comment tu dis « dude » C'est ça, là. « What's a dude Her... » Non? « Jefe ». « Jefe ». « El loco ». Ça, c'est la version podcast espagnole. Donc, merci Eric. « E-man ». Là, on a eu... E-Man, on a eu Spider-Man 1967. Moi, je Alex. Pense que, ouais, on va aller avec le journal, genre, parce qu'on parle de vieux stock, là, depuis tantôt. Ouais, félicitations, les gars. Il y a trop gars, de man dans les titres. Toi, ça va être du James D. Made in Alex, Computer. Alex, prépare-toi. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Earth! Wind! Fire, merde! Go, fire. Planet! Fire! Fire! Ben, tu y vas avec Captain Earth, Planet? Fire, Wind, Water, Heart. Earth! Fire! Wind! Water? Heart! Ah, oh, Heart, pauvre toi! Go, Planet! Donc, il y avait un singe, man, pis il était mais ah, c'est un peu ironique, pareil. Étais-tu le singe? C'est un peu... C'est quoi, c'est parce que j'ai du sang indien, là, que vous m'avez pogné pour faire mentir? Il y a un gros feu! Heart it! Qu'est-ce qu'il va faire? Dude, contrôler les animaux, man. Fait que, c'est le Aquaman de l'équipe de Captain Planet. C'est quand même le c'est plus ça, fort. C'est ça, c'est exactement qu'est-ce que ça. Je veux pas hijacker ton deux minutes. En tout cas, oui, c'est effectivement, c'est Captain Planet. C'est une émission qui a commencé en 1990. Le rip-off de Touf Touf et Pollueur. Ouais. La fucking bière à emmener, mais le cœur. Fuck you. Passé hey, non, moi pis Alex, on s'est regardé pis on est comme, pourquoi qu'il rit? J'ai de la fucking bière à emmener. Parce qu'on va en parler tantôt, vous allez voir un peu. Sur deux minutes, on lui donnerait du cabonné. Alex, 15 secondes. Je te donne 30 secondes de plus. Excuse-moi. J'ai de la bière à emmener, mais c'est dégueulasse. Pis moi pis Alex, on comprend toujours rien. Donc c'est ça, c'était une émission qui a été créée par Ted Turner quelque chose pour l'environnement, parce que... Pour aider les enfants pour comprendre la pollution, puis tout ça. Puis moi, quand j'étais jeune, puis j'écoutais ça, je m'en calissais vraiment de la pollution. Pour le moi, show, il était bon. Des hein. pouvoirs, le gars, le Captain Planet, tout en bleu, vert, aqua, couleur, avec ses cheveux verts. Qui venait, puis les enfants qui avaient des anneaux. Des bagues magiques qu'ils utilisaient. C'était rare qu'ils utilisaient. mais ils faisaient leur combination, puis Captain Planet arrivait, puis il était super parce cool. Parce qu'avoir une bague de même, tu l'utiliserais puis, constamment. Mais une autre chose, juste un petit bonus, un petit factoid. Il mérite, honnêtement. Il y a du bonus, ouais. Vas-y. Le gars qui ressemble à un rat, c'est le gars qui avait le voix, c'est Jeff Goldblum. Pour de vrai? Puis Meg Ryan qui a fait la blonde, je crois. Je pense aussi Meg Ryan. Ah oui, la professeure là, qui avait la moitié de la face cachée par sa frange. Exact, mais Two-Face a été faite par Meg Ryan, je crois. Puis Don Cheadle qui joue Captain Planet. Mais j'aimais ça, c'était bon, Captain Planet. J'aimais ça pareil. Non, j'ai bien aimé, moi. Non, on va écouter la chanson thème de Captain Planet. Il y a un comic book édité par Marvel de Captain Planet. J'ai dit ça de même, là. Il était sur du papier recyclé. Il fait pas partie du Marvel Universe. Il n'est pas MCU. Mais c'est Marvel qui le produit. On s'entend qu'en les années 90, Marvel sortait que de l'or. Puis c'était... Puis on je veux juste aussi un shout-out à la compagnie qui le sortait, ça, à la TV. Non, c'était quoi? Dick. Ouais, ah oui, c'était Dick! Dick! Fait qu'en donc, gros, sur ce, ouais. On va parler de Dick tantôt. T'es-tu capable de mettre le thème de Dick avec le thème de Dick? Pas le chanson, pas le intro, le exit. Ça, c'est le chanson. Le outro. Parce que le intro, c'est avec Whoopi Goldberg, pis c'est « Our world is in peril. Gaia, saving the planet. » Moi, ça mérite quasiment deux. Moi, je pense qu'Alex devrait la faire, la chanson. Ouais, je chante là-dedans. Là. Ça va être dans le bonus features dans le DVD. Okay. Fait que le outro de Captain Planet, parce qu'Alex ne voulait pas la chanson, il est hipster. Earth! Fire! Wind! Water! Heart! Go Planet! By your powers combined, I am Captain Planet! Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to zero. He's our power. C'était comme on rit-tu ou On fait quoi, t'sais, on rit? C'est là que tu vois les talents de post-production où il n'y a pas un nasty d'épais qui écoute la tonne en même temps. Mais moi, moi, j'aime mieux la version que Whoopi Goldberg en narrate au début. Bon, mais non, c'est, non, mon c'est le gars Kwame qui fait l'intro, mais c'est Whoopi qui fait. J'aime bien Whoopi. Mais il y avait du gros budget, pareil, de featuring Whoopi, the people, là, dans le fond. Ouais, Meg Ryan, Jeff Goldblum, Martin Sheen. Nicolas Cage. Non. On parle de Martin Sheen, Jeff le Goldblum. Petit hindou, c'était et Meg Ryan Whoopi. Au début des années 90. Là. LeVar Burton, il a fait le voix de. Oh, mais ça, c'est la raison. C'est le gars de Reading Rainbow qui a fait le voix de l'intro. De Captain Planet? Non, le Kwame, le gars qui a fait Captain l'intro. Captain Planet, c'est-tu quelqu'un de connu? Fait que Guillaume, t'as deux minutes? Oui. Ça part dans 5, 4, 3, 2, 1, parti! Moi, je suis tellement original, je vais aller avec X-Men, la version des années 90. Pas à cause que je suis un fan de BD, ou peut-être oui, parce que je suis un fan de BD, mais c'est plus que ça. T'aimes Jubilee? Non, t'as pas scénario. OK. Mais, tu sais, j'aurais pu avoir un choix comme G.I. Joe, Transformers, name it, là, il y en avait. Mais wow, nous autres aussi, tu sais. Mais, fallait qu'on qu'est-ce qu'il y a de mauvais avec ça? Fallait en choisir juste un. Motherfucker. Puis, je me suis dit, qu'est-ce qui m'a marqué plus, c'était les cartoons que j'avais pas accès chez moi. Puis, quand j'étais jeune, mes parents m'amenaient aux États-Unis, en Caroline du Sud, à chaque année. Et quand j'ai découvert les postes de télévision américains, j'ai découvert, par le fait même, dans le début des années 90, les X-Men. C'est que, dans le fond... Pendant les annonces de jouets. Oui. mais ça, on va en parler plus tard. C'est que pendant que mes parents allaient à la piscine ou à la plage, moi, je restais toujours en arrière pour écouter les X-Men. Puis ça, ça a duré jusqu'en 2002, quand j'étais à 2015. Cuba. 2015. Non, mais quand j'étais dans ça, je les ai Netflixés, rendus là. Mais j'étais à Cuba avec ma mère, puis justement, je restais dans l'hôtel pour écouter les X-Men encore en 2002. Mais c'était le fait, justement, que ces cartoons-là, de un, étaient différents de ce que moi, on avait accès. C'était, on les avait juste pas. Donc, c'est il y a un aspect de raricisme. Donc, tu veux encore plus les écouter. Puis là, tu vas les binge-watcher comme quand tu peux. Parce... Mais moi, j'écoutais ça à TV en anglais. Non, mais attends une seconde. Wow, mais c'est qu'au Québec, ce qui arrive, c'est qu'au Québec, il y a une particularité où ce que, tout dépendant d'où ce que tu habitais, t'avais pas le même, tu sais, on avait tout le câble analogique, mais t'avais Vidéotron, t'avais Vidéotron West, qui était pour le West Island, t'avais Cogeco, t'avais comme, moi je me rappelle, j'avais de la famille, dont mon cousin Jean-Michel, shout out, qui habitait à Pierrefonds dans le temps, qui lui avait un autre, il était avec Vidéotron aussi, mais il avait pas les mêmes postes, et quand j'allais chez eux, j'étais comme sur une autre planète, j'avais d'autres postes, c'était le fun, mais moi j'avais pas X-Men à télévision. Okay. C'est que pour moi, G.I. Joe et autres, c'était le fun, mais c'était normal. Je les avais comme, tu sais, c'était accessible, c'était comme pas exotique. Hey, donc, félicitations, Guillaume. X-Men, exotique. T'as réussi à dire tous les films des années 90 que t'as aimé, que tu peux pas voir. Ben, j'ai pris une page. Dans ton 2 minutes. J'ai pris une page du cahier à Eric puis à Joe. Puis on l'a pas fait, ce coup-là, on était gentils. mais Guillaume, juste de même, quand j'étais à Cuba avec ma femme la dernière fois que j'étais allé, je faisais pareil, puis j'avais 30 ans, là. Fait que je restais... Qu'est-ce que tu fais? Ben, je reste dans la chambre d'hôtel, je finis mon Fresh Prince of Bel-Air, puis je vais aller te rejoindre au bord de piscine après, là. J'étais déjà chaud dans la chambre d'hôtel. Fait que... C'était bon, Fresh Prince of Bel-Air. Mais c'est Fresh Prince. On va aller écouter la chanson thème. The Fresh Prince? Elle est tellement bonne. Oui. Très intense, ouais. C'est pas loin, ça. C'était hot, Camdit avec ses cartes. Dick. Parce que c'est mieux de lâcher. C'est quoi, jamais même pu. Ok, mais là, no joke. Je suis mieux de lâcher. 15 secondes de toune. Ok. Ah, c'était bon. C'était vraiment notre version bon, était mieux. Ça manque de Whoopi Goldberg qui narrate pendant la toune, mais ça reste un classique. Moi je me demande encore si c'était vous autres qui chantaient le meilleur ou si c'était l'original le meilleur. Mais c'était nous autres. J'ai un penchant pour vous autres. Ouais. Moi, il y avait du cœur. Je vais vous parler. Premièrement, je vais partir mon timer. 5, 4, 3, 2, 1. Moi, en 93, j'avais 10 ans. Puis, je fais partie de la YTV Generation. J'étais un des enfants francophones qui était plugué sur YTV. Shout out au japonais avec les cheveux longs, j'ai oublié son nom. Ou bien la TV qui avait de la gomme à côté. Avec un œil, là. Avec un œil bizarre. Ouais. Shout out moi, je suis la YTV Generation. Il y a eu plein d'émissions que je pourrais vous parler, là, que je pourrais dire, moi, c'était Reboot, je pourrais dire, c'était tel truc. Moi, il y a une Video émission in spécifique que j'ai pris. Ça s'appelle Bots Masters. Oh. Bots Masters, qui est sorti en 93. C'est coté présentement 7.7 sur 10 sur IMDb. Phil Guerrero, a.k.a. PJ Phil. C'était quoi tu disais? A.k.a. Phil Guerrero, a.k.a. PJ Phil, a.k.a. Fresh Phil. Sur Twitter, au commercial Phil Guerrero. Était le Le dos avec le pinch là, un avec pinch, plein de bracelets en cuir là. Ouais, puis les cheveux longs asiatiques, ouais. Melter faisait référence, c'est mon ouais. Ben, cool en gros you. Là, Bots Masters là, ça a commencé le 1er septembre 93, Bots Masters. Ça a fini le 1er mai 1994. Fait que ça a fait un an. C'était une émission, c'était vraiment cool. Assez pour te marquer profondément. Non, non, mais c'était vraiment malade, OK? Parce que Bots Masters, c'est l'histoire de Zip Zoolander, ta gueule. Fait que Zip Zoolander invente les boys. C'était des bio-organiques quelque chose. Pas l'équipe d'hockey. Non, non, pas les boys d'équipe d'hockey qui vont jouer chez Stan. Michel Barrette dans le cartoon. Fait que dans le fond, lui invente un... une genre d'intelligence artificielle. Mm-hmm. Puis t'as... je me souviens plus le nom de la corporation. Hey, je suis le gars qui... ça a pas l'air pantoute d'avoir marqué. Continue. Hey, c'est vrai, non, c'est parce qu'on a coupé. On a coupé. En gros, OK, Bots Masters, ils inventent une intelligence artificielle. Le monde, ils font des faux robots qui ont pas d'intelligence artificielle, qui font un genre d'attentat terroriste. Ils se font accuser de terroriste. Son nom, c'est Zip Zoolander. Ses initiales, c'est ZZ. Fait que tout le monde l'appelle ZZ tout le long du show. Fait que quand t'as 10 ans, c'est drôle en tabarnak. Y a une maison cachée dans le sol avec plein de robots. Puis là, il y en a qui c'est un ninja. Il y en a qui joue au baseball. Il y en a qui c'est un chef cuisinier. Il y en a qui c'est un char qui se transforme. Il y en a un qui c'est Split Van parce que la van, elle se sépare en deux. Fait que... Split Van? Split Van. Il disait Split Van, Split. Puis là, t'avais le derrière de la van qui devenait un autre char. T'inquiète. Mais t'avais le Laser Time. Puis t'avais tout le temps un bout dans le show où Zip Zoolander callait Laser Time laser Boys. Puis là, il fallait te mettre tes lunettes 3D parce que le show venait en 3D. Wow. Puis t'avais les robots qui se battaient. Puis tout le kit. Ça explique pourquoi ça a duré un an. Le monde n'avait pas de lunettes. Quand le même, monde n'avait pas de lunettes. C'est drôle parce que c'était malade. Il a dit put on your 3D shades. Puis maintenant, chaque film qu'on on écoute, on est forcé de mettre des 3D shades. Avais-tu ready. Des lunettes? Merci, Zip Zoolander. Tu devrais. Moi, je sais de même. Merci un studio parce que les studios de cinéma nous écoutent pour voler nos recettes Illuminati. Mais refaites un remake du film Bots Masters en 3D aujourd'hui, ça serait malade. Avec mais les kids, Disney. Mmh. Ben, le fait, c'est que Disney ont acheté les droits. Ouais. Oh. Donc, peut-être que maintenant, on va avoir quelque chose. Il achète tout. Puis mais les chansons, c'est une des meilleures. La chanson était quand même assez folle. Donc, sur ça, on va aller écouter la chanson thème de Bots Masters. Let me swivel and say, I rock to the dock and I save the day. Daddy's your name and the brain is my game. I'm Genesis. Any problem I can fix. My name is Ninjas, the battle hinges. How I use them is already what it hinges. I'm Zip Zoolander, ZZ for short. You know I fight the corp, I'm the boss master. Listen up, you all, you're the boys. Non, we're not singing together. Personne la chante, c'est drôle. Hein? Ouais, c'est pas grave, je vais me couper moi, fuck it. Fuck it. Sugar Baby. Pas pire ça. Quoi? Je t'en des animatrices puis d'animateurs de YTV. De YTV, je suis encore sur YTV, bon. Moi. Ah, Sugar, ouais, je me souviens. Là. Des années 2001. Tu m'es vieilli, hein? Je sais pas, mais je la vois en 2001, puis à 21 ans, je pense que j'aurais eu une semi-dure en arcade. Un semi-dure, un chub. Ça, je sais que je passe. Ouais, c'est un. Une semi-croquante. En 2001, j'avais 21 ans. Là. J'étais comme majeur partout dans le monde. En passant à ton bot, là, ça se passe dans 10 ans. T'as pas besoin, Guillaume. Ouais, c'était au cas de 2025. Donc, là, on a fait le tour un peu, savoir c'était quoi nos cartoons préférés. Là, guys, on a une chose. Il va falloir définir c'est quoi qui fait un bon cartoon. Premièrement, moi, je voulais expliquer l'anatomie d'un bon cartoon. Là, c'est sûr, je suis pas une référence dans le domaine, mais j'ai regardé sur le net, puis pas mal tout le monde était d'accord sur ce qui constituait un bon cartoon de jeunesse. Premièrement, ça prend une chanson-thème. Là, on a écouté toutes les chansons-thèmes de nos shows. Quelque chose de catchy qui reste dans la tête, quelque chose qui va marquer. Un narrateur connu comme Whoopi Goldberg. Quelqu'un qui va expliquer qu'est-ce qui se passe. Deuxièmement, ça prenait une thématique, soit... En fait, fallait que tu sois basé sur un film... ou que t'aies une thématique carrément stupide. Tu sais, du genre Toxic Crusader, que c'était Toxic Avenger. Ben, c'était un film. C'était un film, t'avais Robocop. Mais t'avais aussi des bijoux du genre Biker Mice from Mars. Qui donc, des nos... souris motardes de Mars. Les requins, c'était quoi? Street Sharks. Street Sharks, que c'était des genres de douchebags de Jersey qui tombaient dans le swamp et qui devenaient des requins. Puis tout d'un coup, ils veulent... combattre le mal. Ben, c'est ça, tout d'un coup, ils combattent le mal. Animaniacs. Animaniacs. Ben, c'est les Warner Brothers. Ouais, mais et leur sœur Gargoyle. C'était pas un rip-off de Ninja Turtles. C'est ça, c'était pas un genre de side B project bizarre. Là. Mais Gargoyle, c'était hot. Gargoyle, c'était écœurant. Mm. Ouais, mais ça, il y avait une thématique un peu moins folle. Mais ça, on parle de late 90s, dans le fond. Là. Ça, c'était beaucoup plus sérieux. Ça prenait de l'imagination parce qu'à chaque émission, il y avait des affaires vraiment folles qui arrivaient. Mais c'était surtout les personnages. Chaque show qu'on va parler, on va se souvenir d'au moins un personnage qui faisait le show. Tu t'as parlé de Gargoyles, Guillaume. On s'entend que Goliath, la voix la plus grave de toutes. Je peux même pas le faire aussi grand. Gargoyles, Goliath, il parle, puis il y a du monde. Il y a des filles dans le monde qui mouillent puis qui pitchent leur bobette à quelque part. C'était la voix la plus sensuelle des cartoons mais de Disney. Mais si tu savais comment dans Gargoyles, j'aimais plus Puck, l'elfe magique, fucké ou les... Lexington, c'était mon Gargoyle préféré. C'était celui avec qui avait la moto, man? Non, Lexington, c'était le gros, le petit chauve. Brooklyn, c'était le petit avec le long nez. Ah, c'est ça. C'est lui, il était gay en plus. Hein. C'était non, c'était pas Lexington, le vert. C'est Lexington, c'est ça. Avec le nez long? Non, avec la tête rasée. La tête rasée, le comme, tête rasée ouais. Avec le... Mais genre, en tout cas, c'était comme super innovateur, mais j'aimais bien c'était les méchants, le Wolfpack. Je dis ça de même. Ouais, le Wolfpack était j'ai cool quand il était devenu cybernétique. Autres, j'ai trippé mais en gros, on est tous d'accord. Chanson thème, thématique folle, inspirée d'un film, d'imagination des personnages. André, ouais. T'as acheté d'action le série au complet sur iTunes ou quelque part, le Gargoyles? Gargoyles, je l'ai trouvé à quelque part. Okay. On va arrêter ça, là. Mais je l'ai en DVD. On marque la plupart des... Même Captain Planet, là, on s'entend. Il y avait quand même... On est aussi tous des gars autour de la table, là, des scènes d'action sexy. Ça allait chercher un peu le... Il y a un bon plot. J'ai parlé d'He-Man. Il y a de la, il y avait He-Man, du bon plot. Même si on n'a pas parlé de G.I. Joe, Transformers, He-Man, X-Men, mais sais-tu quoi? En ayant réécouté plusieurs shows, t'as l'impression qu'il y avait des scènes d'action dans le temps. Parce c'est que des repeats. Puis on va en parler un peu tantôt, les perceptions qu'on avait dans le temps versus aujourd'hui. C'est la plot de l'histoire qui te garde. Ça fait longtemps qu'on l'a pas utilisé, celle-là. Non, mais c'est vrai, pareil. C'est la plot de l'histoire. Je dis ça parce que c'est tout des cartoons américains, la plupart. Puis il y avait un good plot dans Captain Planet. Captain Planet. C'est ben, l'environnement, c'est pour le te garder en fait, dedans pendant plusieurs saisons à 25 mondial. Épisodes. C'est pour ça que je dis on va en revenir tantôt à ça parce que je vais te pitcher une question tantôt Milter, puis je la garde pour toi spécifiquement celle-là. Okay. Mais il y avait une affaire aussi, c'est que dans les années 80-90, on a vu un peu un duel parce que présentement, il y a eu la grosse vague animation japonaise. Fait que là, il y a le Takuton, des affaires de même. Ouais, fin 90. Le monde tripe beaucoup années animées. Là. Il y a eu les Ronin Warriors qui ont fait leur apparition. Fox ont fait beaucoup d'importations d'animation japonaise dans le temps. Wesh, mais wesh. Il y avait vraiment des défis entre les cartoons américains. Puis on a un moment donné été un peu inondé dans la culture japonaise. Mais on a été teinté un peu sans le savoir, tu sais, avec des Goldorak, des Albator, des petits castors, des Astro le petit robot, des trucs comme ça. Ou, tu sais, moi je me souviens, là, j'écoutais ça, puis j'étais comme, mais ça me semble de quoi de weird avec les cartoons. Mais je pourrais pas mettre mon doigt dessus, tu sais. Puis la seule affaire de weird que je trouvais, ben, ça jouait aux deux. Parce que dans le temps, c'était le 2, le U, puis le U au 35. Ouais. Puis le 10. Le 10, tu sais, t'écoutais ça. Là, une chose qui est drôle avec moi, c'était le 13, Radio-Canada, Télémétropole, puis. Ah, tu vois, nous autres, c'est ça, c'était le 35, le 10, puis le 2. Mais ta région. Parlons-en de ça deux secondes. Je sais pas si tu avais fait une section pour ça, mais les chaînes que vous écoutiez, fait que le 2 peut-être ça, c'était ça, quoi c'est les chaînes Radio-Canada, non câblées. TVA, ben Télémétropole dans le temps, puis le 35, c'était TQS. Puis où est-ce que vous pogniez votre anglais dans le CBC, temps? CBC. Mais ça, c'est quand t'avais pas le câble. Il y a pas du Fox, Plattsburgh qui arrivait en antenne. Moi, je le pognais parce que dans ma maison, on avait l'espèce d'antenne qui montait super haut. Ou si t'avais un câble. Et Eric, toi, tu parles du Fox, Plattsburgh, où qu'à 3 heures, t'avais Transformers, G.I. Joe. Ben, en fait, moi, j'avais... En Ontario, à Ottawa, on n'avait pas Plattsburgh, on avait... Buffalo, sûrement. C'était Vermont. Buffalo, ouais. C'était le Fox à Buffalo. Moi, je les avais tous. Mais j'avais ça, le câble. T'avais le câble avec Rochester. Vidéo c'est Rochester qu'on avait, nous autres. J'avais c'est le câble, j'avais tout. C'est l'autre qu'on avait tout. Big Cable. T'es riche, moi. Alex. Moi, j'étais pas riche. En parlant de animé contre... pas contre, mais les cartoons américains. C'est un combat. Les Américains, les compagnies américaines, bless their hearts, savaient pas que les animés, des fois, c'est pour des adultes. Mettons, quand ils ont amené One Piece, Sailor Moon, il y avait des thèmes adultes là-dedans, puis ils ont tout changé, puis parce que les Américains, il y avait des règles un peu plus strictes, ben Canada, Amérique, il y avait des règles un peu plus strictes, puis il fallait couper, puis changer presque tout avec les animés. Mm. Fait que... Je me demandais pourquoi tu me regardes là. Mais c'est-tu là qu'on fait une minute de silence pour les samedis matins qui sont morts à ce moment-là? Les samedis matins de notre enfance. Qui sont pas mal morts, j'avoue, ces temps-ci. Là. Ben, pas rien que ça. Même aujourd'hui, je pense que les enfants ne savent même plus c'est quoi un samedi matin. Non, leur samedi matin, c'est n'importe quand. Oui. Entre autres. Je dois dire, par contre, Télé-Québec... Oui. N'a pas le même pedigree qu'on avait, mais il perdure la tradition. Mais le comment de tout ça, on va pouvoir en parler avec plus les tard. Cartoons de TF1. Il passe des replays de Bulldog Bazar. Mais en gros, on s'entend, effectivement, il y a eu un changement un peu au fil des années. Les samedis matins ont disparu un petit peu. Moi, je me souviens, c'était en finissant l'école, Fox faisait jouer des... Là, je vous parle un peu plus tard, YTV, Fox. Fin 90. C'est fin 90, ça. Là, quand on a eu le bon vieux Spider-Man, Batman The Animated Series, il y en avait des trucs quand même. Mais moi, c'était le matin. Vous autres, vous dites après l'école, puis le samedi, mais le matin avant l'école, là. Personne qui écoutait des dessins animés. Nous, non. On n'en avait pas vraiment en français. Nous autres, on dormait. Moi, parce que moi, là, quand j'étais kid, j'étais élevé, là, un matin typique là, pendant comme 4 années d'école, c'était de regarder des dessins animés avant. Si je regardais assez de bonne heure, t'avais le Hercules puis le vieux Spider-Man. Puis ça, je te parle de 6h30 à 7h. Puis après ça, on embarquait dans du Real Ghostbusters. Ben, on embarquait nous autres, dans c'était du... Touf Touf et Polluard. Fait que ça, Muppet Babies. Le fils des Attends, je suis en train de monter des meilleurs. Là. Bulldog Muppet Babies. Quel autre que j'écoutais dans ce temps-là? Les Animaniacs, les Tiny Toons. Question pour toi, Eric, justement. Tu sais, là, on parle justement années 80-90. Il y a eu une phase, puis moi, j'ai une question pour vous autres. Qu'est-ce qui vient avant? Les jouets inspirés d'émissions? Ou les émissions inspirées de jouets. Ça dépend quelles. Ça dépend. Parce que ça, c'est une affaire qu'on a vue, là, puis on s'entend avant qu'il y ait des réglementations de genre, t'as pas l'air de montrer avant des Star annonces Wars, de jouets entre telle heure juste telle au heure, Canada. Puis, juste au Canada, mais on s'entend que... Je donne un exemple. Eric, tu parlais d'E-Man. E-Man... Avant. Était des jouets avant d'être une émission. Mais ils ont fait des jouets, puis ils ont dit comment qu'on va aussi. Faire que le monde va l'acheter... Pas ça. G.I. Joe. Transformers pour moi, aussi. C'était toujours... J'étais pas au courant de tout ça quand j'étais jeune. Fait que c'était toujours l'émission avant les jouets. Mais ça reste quand même que beaucoup des dessins animés qu'on écoutait quand on était jeune, c'était inspiré des jouets. Peut-être, c'était pas inspiré, mais c'était créé en conjoint du jeu. J'étais pas au courant. Fait que peut-être que je passais d'un rangé avec ma mère, puis je voyais des Transformers, puis j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Non, parce qu'au Québec, vous voyez pas de Christie d'annonce de jouets. Non, mais on voyait, mais la réglementation changeait plus tard. Parce que j'écoutais les postes américains en plus. Mais il y a eu des situations où c'était l'inverse aussi. On prend Ninja Turtle des années 80, là. Ben, il y a beaucoup de personnages qui ont été créés dans la série pour vendre des jouets. On s'entend là, que c'est qui là tantôt tu parlais là, le... Bucky O'Hare. Pas Bucky O'Hare, mais non, t'en avais un autre. Ben, j'ai dit le crocodile du Mississippi, là, puis tu sais. Ouais, mais à la défense de Ninja Turtle, à la base, c'était une bande dessinée. Oui, mais ils ont carrément... Parce que tu le vois dans le documentaire de ça. Mais dans la bande dessinée, il n'y avait pas 26 000 animaux mutants. Non, parce que rendu à la saison 4 ou 5, là, que moi, Ninja Turtles, c'était un des cartoons que j'écoutais à tous les samedis matins, justement. Puis je me levais pour ça, même s'il y avait de quoi de spécial. Puis un moment donné... Ben, les Turtles, ils arrivaient tout le temps à un lac à la Knight Rider, là, genre, là, à Knight Boat, dans les Simpsons, là, tu sais, pis, ben, comme par hasard, il y a quatre Sidou aux couleurs des Ninja Turtles tagués. L'hélicoptère en quatre L'hélicoptère qui donne des coups de poing, des coups de boxe, pis tout, pis comme par hasard, ils étaient tous en vente au Art la semaine d'après, quand j'arrivais au magasin chez Woolco, pis... Aux distributions, chez Pascal. En tout cas, la bolle de toilette, tous les magasins qui existent plus, là. Mais, c'était comme, un moment donné, je m'en ai comme même rendu compte, comme on disait, le lapin ninja du passé qui était apparu dans une porte, le crocodile du Mississippi, tous les animaux qui existent. Je pense qu'il y avait une girafe avec une mitraillette, un moment donné. Elle venait du futur, me semble, ou de quoi. Ils ont fait un gecko, un moment donné. Un gecko qui faisait du surf, skate, l'avais. Le crapaud. Je les avais toutes en bonhomme, en plus. Je les avais toutes. Je les ai toutes achetées. Il y avait un gars qui était juste du ouze. C'était une poubelle puis du ouze, je me souviens. Puis lui, tu l'achetais puis tu versais du ouze dans le dos puis ça écoulait par la gueule puis d'une raison de te vendre du ouze. Il dit Battletoads, mais Battletoads, c'était vraiment une attaque full frontale de tout. Ils sont allés mais en jeu vidéo seulement, là. Quand le premier est sorti, t'avais cartoon, t'avais jeu vidéo, t'avais jouets, c'était full on attack, là. Mais tout ça pour dire qu'ils ont créé par après, chaque nouvel épisode, il y avait un nouveau, c'est comme, choisis l'animal, là, ceux qui pigeaient dans un chapeau, là, pis ils pigeaient, là, un peu à la c'est quoi, South Park qui explique Family Guy, genre, un chapeau, on a un animal, l'autre chapeau, il est-tu bon ou mauvais, puis l'autre chapeau, c'est comme, il vient-tu du passé, du futur, du présent. Fait que c'est des amis beaux poches. Si on revient sur le sujet, Alex, t'avais quelque chose à rajouter, je pense. C'est juste parce que il y avait vers le fin du événement Saturday Morning Cartoon, ils ont mis des restrictions que vous pouvez pas vendre des jouets, des tie-ins de marchandises. Au Québec seulement, avec les par émissions. Exemple, Mais ça, c'est au Québec. J'ai toujours cru que c'était le CRTC qui faisait ça. C'est le CRTC, c'était au Canada, ça. C'était le chose EER/E, c'était genre un education initiative qu'ils ont fait. Et ça, c'est le CRTC. Il faut avoir ça. Un minimum de telle heure d'éducation pendant les heures dans la semaine. C'est là qu'on a vu des Magic School Bus puis des affaires de même à Paris. Exactement. C'était fucking triste, ça, d'abord. Ouais. Parce que je m'excuse, là. Mais être élevé dans les années 80 là avec cette bombe comme où ce qu'on était bombardé là, je m'excuse mais ça a ignité beaucoup de mon imagination. Mais il y a un peu là-dessus où je voulais aller toucher c'est que magique, dans les années 80-90, tu sais, je parlais justement, ça prenait un histoire ou de l'imagination, des choses comme ça. Il y a des différences quand même dans les cartoons qu'il y avait dans le temps puis aujourd'hui. Si on prend les cartoons des années 80-90, ça avait ni queue ni tête, ça avait aucun bon sens, mais c'était le fun, puis on embarquait là-dedans. Là, ils se sont comme adaptés un peu, parce que si on regarde l'enfant adulte des années 2000, tu sais, ils ont refait des remakes de Thundercats, de G.I. Joe, puis je vous donne un exemple. Moi, il y a une affaire que j'avais remarqué, je trippais beaucoup Thundercats quand j'étais plus jeune, et là, je réécoute le remake de Thundercats qu'ils ont fait il y a quelques années. Il faut qu'ils prennent la peine d'expliquer au début, puis là, t'as l'annonciateur qui est là, puis qui prend la peine de mentionner, dans une galaxie très lointaine de la Terre, un monde où les humains n'existent pas, mais les chats sont évolués. Est-ce que c'est Whoopi Goldberg? Ils sont obligés d'expliquer parce que on est rendu qu'on se justifie aux enfants en 2000. Voulant dire un cartoon, moi, des années 80, c'était « Hey, père, pourquoi les tortues? » Ben, Chris, ils sont dans le hausse, puis ils font du fucking karaté. T'as besoin de savoir pourquoi? Ah non, c'est vrai. À cette heure, « Hey, père, pourquoi les tortues sont mutantes? » Ben, parce que c'est de la hausse. Ouais, mais la hausse de quoi? Ben, dans le temps, tu pognais un épisode, puis tu l'écoutais, puis tu comprenais. Ouais, c'est ça. À cette heure, c'est comme écouter... Dexter ou Sons of Anarchy ou Breaking Bad. Si tu manques un épisode, tu manques tout, tu fuck tout. Dans le temps, je tripais quasiment quand c'est comme « Oh shit, l'histoire se déroule en deux épisodes! » À Star, c'est comme « Colin, il y en a 23, puis faut pas que j'en manque un, parce que... » Mais il y a eu cette évolution-là un peu qui s'est passée, mais on a eu l'apparition des nouveaux styles aussi, comme en année 2000, dans les mais, débuts mais 2000. Mais c'est correct aussi. Mais il faut les deux, d'après moi. Mais je pense que l'aspect, comme Eric l'a mentionné, le fun était un peu moins présent. Il commence à revenir, par contre, on l'a vu. Ben, les années 90, c'était pas mal les dernières années des cartoons qui n'avaient pas à s'expliquer, qui étaient juste le fun, qui s'arrêtaient là. Qui étaient basés sur des films d'adultes qu'on ça, pouvait pas ça. Voir. Je pense 2000... que le split s'est fait en 94, c'est avec la mort de Kurt Cobain, sûrement. Ça a sûrement un lien. C'est clair. Mais on dirait que c'est là que ça a commencé à être plus sérieux, si on peut dire, puis à se compléter. Non, mais l'argument... Avant que c'était le free fun, puis tout. Puis quand Kurt, il est mort... Non, mais c'est parce que moi, j'ai lu une thèse d'un jeune homme de l'UQAM qu'il a approché le concept que c'était Kurt Cobain, mais finalement, c'était Tupac. Ah, j'ai mélangé tout le temps. Là, je pense qu'on a quelque chose sur le chat, Alex, qui me fait des signes. Aïe, aïe, Chuck. Des fans de Tupac. En parlant de Magic School Bus, j'ai eu un message de Aïe, Chuck. Check les images sur Google. Man, le prof non. est rousse. Je me demande si elle serait sexy dans la vraie vie. Merci, Aïe, Chuck. Probablement. Fait que, m'a faire un Google search. Je suis qu'elle ressemble à Jimmy. Fait que, Mike Jock, on vient de déterminer que t'es un ginger banger, donc tout est correct, mais, c'est cool. Mais pour rester sur le sujet, un peu, tu parles de les années 90 où ce que t'as les dessins animés qui s'en foutent, tout ça. Une chose aussi. une chose que j'ai remarqué, par contre, c'est qu'on est rendu, tu dis, tu parles des adolescents, des affaires comme ça. En ce moment, on vit dans une époque où ce que t'as. Comme moi, dans les années 90, un dessin animé, c'était le matin, puis c'était pour les kids. Ouais. Il y a une couple de dessins animés qui ont commencé à briser les frontières. T'avais les Simpsons, t'avais les Itchy and the Brain, Stinky and the Brain. Oh, c'est ah, Itchy and Scratchy, Ren and Stimpy, Pinky and the Brain. Qu'ils ont actuellement fait un prime time Minus et Cortex, ben, Beavis and Butthead. Beavis and Butthead, ou ce que c'était un peu plus tard. Aeon Flux. Aeon Flux. Mais là, on embarque dans les MTV stuff. Ça sera bien élevé en tabarouette. Mais maintenant, qu'est-ce que je trouve weird, c'est que nous autres qui a été élevés sur des dessins animés, etc., puis on aime ça, mais t'as la phase un peu de nouvel âge où ce que t'as aussi des dessins animés pour les adultes, puis c'est très accepté maintenant. Puis comme on parle des Archer, on parle de n'importe quoi qui soit Mike Tyson's Swim, Murder BoJack, Murder Mystery, ça sera encore Murder Mysteries, BoJack Murder Mystery. Non, ben, ça c'est, Mike Tyson's ça, c'est Murder une des raisons que ça finit BoJack parce Arsenal. Qu'ils ont vu que les adultes, les personnes qui ont grandi à cette époque-là. Ben, c'est ce qu'on appelle la génération X. Là. On aime ce je peux-tu faire pendant que tu dis ça, puis j'ai parlé de Ramones tantôt, là, qui font Spider-Man, mais shout-out à ceux qui le connaissent pas, downloadez ça, ça doit même plus se vendre, là, fait que downloadez-le sans remords. Il y a un album qui se vendait beaucoup dans les années 90, dans le temps que j'achetais des Punkorama et des Fat Music for Fat People, qui s'appelait Saturday Morning Cartoons. Pis dessus, c'est des bands comme The Ramones qui reprennent Spider-Man ou Sublime qui refont Hong Kong Fooey. Fait que c'est comme un Fat Records, pas mal de toutes les alterne punk de toutes les classiques cartoons des 80s. Mais ce qui est intéressant, pis ça va peut-être pouvoir te parler un peu plus, Milton, mais tu sais, Eric parlait de la diversification des cartoons. On est allé chercher les adolescents, on est allé chercher les enfants un peu plus... intello, donc les enfants qui veulent avoir plus de justification, mais il y a eu un retour aussi qui s'est fait, puis je pense que ça a été un peu un lucky punch de certains studios, Nickelodeon, qui ont parti une genre de mode de dessin animé aussi involontairement. Bob l'éponge, SpongeBob SquarePants, que les autres se sont dit, on va faire de quoi pour les kids? C'est des stoner cartoons. Des stoner cartoons. Un peu Adventure comme Family Time, Guy. Mais Family Guy reste dans le. Mais il navigue à la limite. Non, ça c'est pas pour les enfants. C'est pas pour les enfants, mais c'est pas. Et Adventure Time. C'est pas typical stoner cartoon. C'est ça. Qui est comme mais je trouve que ça vient rejoindre Rocko's Modern Life, en fait du weird shit. Family, Family Dog aussi, Family Dog Monsters. Il y avait pas une série aussi pour les filles là, avec la fille qui était comme en crise après tout le monde là, Daria. Ouais, Daria ça rentrait ça, Arnold avec sa tête de pénis. Ouais. Mais c'est moi j'aimais bien son ami, je sais pas pourquoi. À Daria. Ah, Jane? Ouais. T'étais cool. Pas si hot que Miss Frizzle. Non, mais moi, j'ai mais c'est Jane. Il s'adapte beaucoup avec les cartoons. Mais le ça, il y en a là. De plus en plus qui sont que mais... pour... Tu sais, on dit Mike Tyson, Mysteries, puis BoJack Horseman, là. Ça, c'est du stoner cartoon. On s'entend que c'est du stoner cartoon parce que c'est un autre... Mais c'est vraiment une clientèle cible différente parce que moi, honnêtement, ben, le stoner ça, cartoon, clientèle là, cible, là, je suis... fuck all capable. Je suis, ça m'attire pas, je trouve ça. Ouais, mais t'es pas un plate. Stoner. Je trouve ça, je vois, tu sais, j'allais me taper des animés, là. avec des sous-titres, là, name it, je vais le faire. Ben, c'est ça, le qui se différencie entre toi et moi. SpongeBob? Je suis pas capable. Moi, je suis pas capable d'écouter un le seul un que animé. Je suis capable, c'est comme je dis, c'est sa limite, là, Borderline, Family Guy, tu sais, South Park, qui sont pas vraiment les vrais stoner cartoons, mais c'est vraiment. Non, ça, genre. C'est political. Ben, c'est ça, South Park, c'est full politique, culturelle, critique sociale, ouais. live. Family Guy, c'est plus une critique culturelle par époque, peu importe, ils se disent notre clientèle entre 20 et 40 ans, fait qu'on s'en calisse, on fait des jokes. Mais là-dedans. C'est le fun un peu ce que tu disais, parce qu'effectivement, maintenant, t'as des cartoons qui se permettent d'être. Ricky. Deux en deux. Fait que, ce qui est cool de ces des cartoons-là dans le temps, comme tu dis, Milter, c'est que tu as des South Park qui sont super socialement engagés, des choses comme ça. Puis, dans les années 80-90, t'avais des cartoons en place que c'était genre. Hey, t'avais la minute G.I. Joe ben, à la ça, fin, reste dit. À l'école, ça, fais pas de la dose, mais... dans tes 8 heures de sommeil. Mais dans le même style que ça, là, moi je me rappelle, là, les mystérieuses cités d'or, là. Tu sais, il y avait le bout de cartoon, à la fin, parce qu'il y avait pas d'écoute, il y avait pas de, il y avait pas d'annonce, parce que c'était à Radio-Canada. Dans le temps, il y avait le droit de mettre des émissions pas d'annonce. Puis à la fin, il restait toujours un 7-8 minutes, parce qu'on sait que toutes les émissions font 23 minutes. Ou ce que c'était du documentaire, je pense que t'avais un narrateur qui parlait d'un condor. C'est que, tu sais, l'aspect éducatif existe depuis plus longtemps. Puis il met du jazz ouais, avec des oiseaux. Ça, c'est passé dans le temps de l'IEE, là, l'affaire qu'Alex passait. Là, mais... il était obligé de t'en... C'est parce... Ça, c'est une affaire, par exemple, tu sais. Mais G.I. ça peut être Joe, bon là, aussi. Il animait le G.I. C'est Joe. C'est un PSC. Comme, hey, ouais, non, je sais, c'est pas de même... la dope. Non, ouais, c'est j'avais plein de ça. C'est un PSC dans le cartoon. Il y avait E-Man, il n'avait. À la fin, t'avais Orko, le petit magicien qui arrivait dans le milieu tout le temps, le même décor. Ben, ils ont même fait, je sais pas si tu te souviens, il y avait fait un spécial avec les vedettes de tous les cartoons. Oui, contre la drogue. Contre la drogue. T'avais un kid qui tombait les égouts, les Ninja Turtles. T'as dit, fais pas de la dope. Si, il y a quelqu'un qui a vu ce cartoon, on essaiera de le trouver. Puis je suis sûr qu'il est sur YouTube pour le sharer sur notre page. Mais, un moment donné, le petit gars, dans ce film-là, il trouve, genre, en fouillant en dessous du lit à son frère, une genre de petite boîte. Je pense qu'elle doit être en bois parce qu'elle ouvre comme un couvercle. C'est pas une boîte à souliers. Puis il fait comme, oh shit, genre, t'as de la drogue là-dedans, mais je dis ça de même, j'ai un peu d'expérience dans vie à Star, puis il y a plein de styles à faire dans cette boîte-là que j'ai aucune idée c'est quoi, genre on dirait des bandages tournés en rond, puis tu sais comme ça a aucun c'est rapport. C'est des garrots, puis des affaires. Comme, son frère fumait pas du pot, son là. Son frère, il faisait tout. Je pense qu'il a acheté genre un, tu sais quoi, un nerd block. Un bloc de dope genre là. C'est comme à toi et moi tu payes 15$ pis tu sais pas qu'est-ce que tu vas recevoir dans ta boîte mais t'as un peu de tout genre mais ça ressemblait à ça pis il fait comme oh shit mon frère il y a de la drogue pis all hell breaks loose à partir de là comme André dit t'as les Ninja Turtles t'as Spider-Man t'as des pits de lave t'as tout le monde qui est là. T'as Optimus Prime, il vient dire au petit cul de pas prendre de la drogue. Manque juste touf-touf. Il est là, je pense. Il est là. C'était introduit par le président. George Bush. C'était le Bush qui a dit, le père kids Bush. Like cartoons. Puis tout le monde, oh wow, Ninja Turtles, puis les, tu sais, le monde est... Disney. Ouais. Archie! C'est comme, wow! Mais il y avait pas, je sais pas c'est quel, mais j'ai eu un flash de ça dans les mains où ce que t'as... Comme t'as comme un Mr. T en dessin animé qui t'entend dire Mr. T avait son cartoon à lui. Do your 8-hour drugs, don't sleep. Mais à la fin, il faisait un PSC. Mais t'as le kid, genre, comme qui se fait proposer de quoi par un kid obviously méchant puis mal élevé, d'essayer de quoi. Attends, y avait-tu un Mohawk pis un code de cuir? Genre, là, sûrement. Parce que Hades, t'étais punk, t'étais evil, fini, mais, genre. Mais qu'est-ce qui était hot, c'est que, comme... Tu vois le gars qui se voit, le kid qui se voit sa drogue, puis il devient comme un zombie, tout laid, en train de mourir sur un lit. Puis je sais pas de vous que ça me vient, là, mais il voit juste ça, puis... Il hallucinait, là. Et moi le... Classique le, si Mr. T, PSA, on va parler de PSA drugs, là, parenthèse d'un dessin animé, là, mais moi, des PSA drugs m'ont traumatisé quand j'étais kid. Là. Comme ouais, le sti d'œuf, là. This is your brain on drugs. Complètement... vendu là-dessus. Puis il y en avait un autre le remake 2000, tu l'as-tu vu? Ouais. La fille, elle pète, elle, c'est ça ton cerveau, elle met l'œuf sur le comptoir, puis elle décalisse la cuisine avec la poêle à la place au complet, puis c'est il y a, comme, il y en avait un autre, je sais pas si vous l'avez vu, où c'était comme un cerveau fait en fil électrique. Ouais, puis bref. Puis il est en train de, à chaque fois que tu prends une drogue, c'est comme des wire cutters qui snippent un peu. Ah ouais, oh, jusqu'à wow. temps que ton cerveau, il est tout parti puis qu'il brûle. Pee Wee Herman a fait un aussi. Il juste dit, this is crack. Rock cocaine. Oh, oui, oui, c'est ouais. là, il date. Puis après, il est allé se masturber dans un cinéma. Suite mais après. En gros, je pense que ça a marqué nos vies. Tu sais, ça a été des parties très importantes de nos vies. Ça a été des samedis matins où on a passé bien du temps devant la télé. Je pense que ça a été un peu. Je pense, regarde, je vais parler pour moi. J'adore mes parents, mais la télévision a été une gardienne. Oh, on va oui. être honnête, pendant la plupart oh, de ma oui. jeunesse. Tranche et, de vie, la télévision est encore une gardienne pour mon enfant. Certainement. Mais je vais pas le remettre sur leur dos. C'était mon choix volontaire. C'est J'étais ça. Content d'écouter ça. Là. Mais on aimait ça, puis il y avait du beau contenu. Puis par rapport à ce beau contenu-là, on a eu une bonne fanbase sur la page du collectif qui ont partagé avec nous. Premièrement, on a Steve Ouellet qui nous a dit... lui, il écoutait Cadillacs and Dinosaurs, oh, les wow. Jetsons, Pink oui. Panther, t'as le bonjour d'Albert, ah, qui était Fat Albert dans on le fond. On drop-tu genre une lignée de shows qu'on écoutait? Ben en fait, je vais juste mentionner les choix des auditeurs ouais, avant, avec Eric, les vu qu'ils n'ont pas eu leur moment encore. Il y a eu Bumbo qui a été nommé par Jeff Bruno. Oui, il y a eu les fins ratons à ce moment-là. C'est pas les amis ratons. Les amis ratons, effectivement. Bruno Georget de Rétro Nouveau qui parlait justement de Gargoyles, qui disait que c'était un de ses meilleurs shows, qui ouais. trippait bien raide là-dessus. Et Spaw Billy, il a parlé de Spaw Billy. Spaw Billy, c'est que... On a Dominique Jean qui a parlé de Captain Star. On a les mystérieuses cités d'or qui ont été droppées. Il y a Boldoc qui a parlé de Dans les Alpes avec Annette. Il a cherché loin, c'est pour celle-là. Defenders of the Earth de Denis Lalumière, Bionic Six, Captain Flamme, Denis Lalumière est en feu. Allez regarder le trend dans le fond. Il y a plein de previews à voir sur la page du collectif. Galaxy Rangers, Centurion, Visionaries, wow. Robotix, Inhumanoid, Silverhawk. Oh. Shit, il y a du stock Transformers, Le Roi Léo, Dungeons and Dragons. Y a-tu quelqu'un qui aime dropper des cartoons? Moi j'appelle ça des cartoons féministes. Jem, Jem, Lady Oscar. Jem, je veux juste mentionner que moi j'écoutais beaucoup Jem dans les cartoons de 3 heures après G.I. Joe pis tout. Et je crois l'avoir déjà dit dans un ancien podcast de nous, évidemment. Oui. Mais j'écoutais Jem sur Télétoon Rétro dernièrement et pour une émission ciblée envers des enfants. Femmes, ça se dit-tu ça, des enfants-femmes? Des c'est... enfants... Filles. Des jeunes filles. En des tout cas, jeunes filles. Des jeunes filles. Il y a crissement beaucoup trop de tentatives de meurtre dans ce show-là. Ah, ben c'est ça le showbiz, Milton. Quand t'es... Mais... Synergie, elle peut pas toujours les protéger. Je te dis, là, les misfits, là... Il essaye minimum 2 à 4 fois... Par show. Par épisode qui dure 21 minutes, là... de tuer littéralement pas, sans un gun ou quelque chose il y en a des de lignes à break qui se font couper dans cette show-là coupe des lignes à break le budget est tout passé dans la réparation de lignes à break parce qu'il en coupe en esti des genres on va tourner en même temps à full vitesse sur le bord d'une tu sais il y a tout le temps des montagnes on incroyables avec mes cordes de base ouais ce gars c'est incroyable. Je dis ça de même, là, mais c'est comme... Après, ma mère, elle dit, c'est bien violent, G.I. Joe, à toute fois qu'il tire sur le tank, le gars, il a le temps de se pousser, puis il y a personne qui meurt vraiment. Mais ça, c'est... Mais t'écoutes Jem, puis il essaie littéralement d'assassiner quelqu'un à toutes les genre 4 minutes de show, là. Fait que, en tout cas, je dis ça de même. Bye, women. Mais... C'est ça, fait que c'est tout ça qu'il faut comprendre que le féminisme est l'assassinat et le meurtre. Probablement. Les femmes fortes. Okay, ou que ça crée de l'emploi dans le domaine de la mécanique. Ça a pris 25 ans, mais je comprends maintenant. Ben, regarde-moi pas! je voulais dire juste une petite chose à propos du topic. C'est une des choses que ça really stand out pour moi, c'était la musique. La plupart des émissions que j'ai écoutées, c'est la musique. C'est presque la même musique que j'écoute maintenant. Du metal, du power metal, des choses de même. Puis j'ai marqué que une de mes préférées, c'est Skeleton Warriors, c'était avec un riff de guitare. Mais une de mes préférées, as-tu mon numéro de sel? Patapeur. Oui, je pense que voir oui. Ça. Ouais. Je peux parler en attendant. T'as pas la toune de Jem ben, comme mais ringtone. Non, mais appelle mon seul. J'ai un ringtone. Parce que Jem, on s'entend que c'était du punk. C'est-tu un ringtone rock? Pour tout le monde ou juste pour André? Juste pour moi. Non, mais j'ai c'est-tu le ringtone que tout le monde sonne? Il est pas assez. J'espère que j'ai pas changé. J'espère que t'as pas changé depuis. Parce que là, j'appelle un inconnu. Ouais, c'est vraiment awkward. Je vais dire, excuse-moi, c'est un podcast. Mais moi, j'aimais bien le punk rock. Lui, c'est inquiète de changer de ringtone. André, c'est inquiète de changer de numéro. Jim Lee's Wildcats. Hey, mais ça, c'est fucking Jim Lee's mieux que X-Men. Oh, mais c'est. Ils ont 10 ans de plus tard. Là, la seule de... affaire, par exemple, c'est que Voodoo était bien plus sexy d'un BD que d'un cartoon. Ah, mais c'est, il aurait fallu censurer. Mais oui, il y a une affaire qu'on n'a pas parlé. Des cartoons sexy. On a peut-être. Je te dis qu'on a effleuré. Sur quel cartoon est-ce que vous vous êtes masturbé au moins une fois? Non. C'était plus l'aimer. On a parlé parce qu'on a, name-droppé well des Albatars. On a name-droppé des... Oui, si. Elle faisait mal, celle-là. Hein? Ah, je m'excuse. Mais non, c'est qu'on a name-droppé Albatar, Goldorak. On a name-droppé les petits castors. C'est... Puis... On a oublié Voltron, c'est ça? Non, mais dire? Ce que je veux dire, c'est que... Plusieurs gens qui sont vraiment des amateurs de bande dessinée animée, là, de cartoon, le savent, c'est des inspirations, c'est des traductions japonaises. Puis notre réalité à nous était peut-être un petit peu différente de celle d'Éric, qui est franco-ontarien, ceux qui l'ignorent encore. On avait beaucoup de contenu traduit à Radio-Canada et Télémétropole, puis beaucoup nous autres, de on trouvait ça plate, fait qu'on changeait de poste. Mais beaucoup raison. De ce contenu-là est, vient du Japon. Puis, il y a aussi un retour castor, de cette... Ben, le petit castor, on avait des génériques japonais, je me rappelle, à la fin. Oh, ouais. Ou, tu sais, Rémi, ou, tu sais, des trucs du genre, Calimero. Excuse-moi, là, je peux te dire de quoi? J'en ai vraiment pas pour longtemps. Fuck Rémi. Oh, oui, je suis d'accord. Fuck Rémi, son hostie de singe, pis ses deux chiens bâtards. Pis c'est pas d'amis. Fuck Rémi, man. C'était un 22 minutes. Maudit rough, fucking man. Braillard de BS sale. De... On a parlé récemment à mon travail de cartoon, pis tout le monde avait à peu près le même avis que toi. Je me sens bien. Mais il y a une chose, il y a eu aussi un retour, en fait, de l'influence japonaise dans les années... on parlait de la deuxième vague des cartoons. Ça a toujours été tout, là. Oui, mais... Fuck son singe. Pis c'est... Fuck ouais. Non, je pense que André, j'ai eu un blocage, un petit cause j'ai avec Rémi. Aucune idée de qui tu parles. Mais on parle d'Ontario. Il y a personne que je mais connais. Mais il y a eu, si on regarde Rémi. Après ça, pour la deuxième vague japonaise, c'est les Pokémon, les Monster Hunter, les tout. The Last Airbender. Mais c'est tout. Last Airbender, c'est américain. Ça, c'était bon. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des cartoons qui sont d'inspiration japonaise, ouais. Mais encore là, rattaché à un produit. Tu sais, il y a eu une espèce de d'hybridisation culturelle où ce que c'était très américain de vendre un produit avec un cartoon. Puis après ça, on a eu les Japonais qui sont arrivés, puis eux, ils ont aussi dit, on va faire comme les jeux faisaient déjà ça. En fait, il y avait un jeu ça, avant. C'est rendu très flagrant aussi parce que même des institutions japonaises, Gundam, qui ont lancé l'année passée Gundam Build Fighters, qui est carrément un cartoon inspiré de ben tu peux t'acheter un modèle à coller de ouais. Gundam puis aller te battre avec puis tu peux devenir un World Star puis au début t'as les Gundam à coller qui arrivent en volant puis c'est comme hey, lui il sort dans pas long puis tu sais c'était même plus genre ah oh, il y a des jouets à côté c'est comme non fais comme les kids dans notre show qui achètent des modèles à coller pour gagner tu sais oh, oui. C'est rendu flagrant puis moi ça m'a frappé premièrement c'est il est bon Gundam Build Fighters pareil fait que je suis un sucker je l'ai écouté je l'ai adoré il te le montre carrément qu'est-ce qu'ils veulent que tu fasses mais une institution comme Gundam que ça fait tu sais c'est de la tradition au Japon ça fait oh, des là, années que vraiment. Ça existe pour qu'eux autres prennent ce virage-là c'est que c'est majeur ils sont rendus là ouais mais tu sais on dirait qu'on fait semblant qu'ils vendaient pas des jouets des robots comme dans ben, les en 80, fait, 60. Non, il y en avait. Ouais, mais ça, le cartoon, sans passer, Eric, puis c'est important que t'en parles, Transformers, le cartoon est américain, mais les jouets sont japonais. Fait que eux autres, c'était même pas un dessin animé au Japon, Transformers. C'était carrément, ils vendaient les le jouets. Le dessin animé a servi à comme publicité pour le cartoon, mais Gundam, c'était le cartoon... qui était le... En tout cas, les années 70, on parle de ouais. Gundam 0079. Cartoon, était là, ils ont fait des jouets après. Je te dirais peut-être jusqu'à... moi, mon expérience de Gundam arrête avec les Gundam... d'un mi-2000, fin 2010. Là, Accide, à peu près. Ouais, exact. C'est que, rendu là, c'était sûrement plus commercialisé, mais toutes les classiques Gundam jusqu'à Wing, le produit principal était la série, le manga slash animé. Après ça, les jouets, les modèles à quoi les venaient, les t-shirts. La différence entre Transformers et le reste, c'est ça, c'est que Transformers, ça a été la compagnie de jouets ici, dans le fond, qui ont fait comme, OK, regarde, il y a un produit qui existe au Japon, c'est les Transforming Robots. Il n'y a pas rien qui existe autour de ça. Puis c'est dans les années, tu sais, qui ont fait comme, OK, nous autres, on pourrait l'amener ici. Puis comment on peut mettre ce produit-là dans les mains des kids? Hey, on va créer un... Puis c'est là qu'ils ont créé la brand Robots in Disguise. C'est là qu'ils ont créé... Le marketing autour. Le marketing autour. Puis c'est là que nous, on a été chanceux. C'est qu'on a goûté aux Transformers en premier. Puis ensuite, le Japon ont eu le droit d'avoir nos Transformers. Le Japon, il a goûté à partir, je pense, c'était quoi, la génération 3, quand ils ont eu les Headmasters puis des choses comme ça. Puis nous, tu vois, la vague Transformers, ça s'était estompé un peu. C'était plus calme de notre côté. On avait eu le film de Transformers où... Rodimus Prime prenait la relève. Un moment donné, ils sont allés vers les méchants qui sont tous des trucs de construction qu'il faut que tu achètes les 5 pour avoir le gros robot. Tu sais comment build up le marketing, c'est ça, Devastator. Mais c'est ça, c'est qu'après, il y a eu la trilogie des Headmasters où là, c'était des humains avec des suits qui faisaient la tête du robot. Puis ça, c'était très transformeur japonais. Les Japonais se sont réappropriés les transformeurs à un moment donné. Pis c'est, ça, je te dirais, tu sais, c'était un peu la fin G2 des Transformers, que ça s'est éclipsé un peu de l'Amérique du Nord. Puis c'est revenu en force par la suite, quand ils ont fait les Beast Wars, Beast Machines, qui c'est revenu en CGI, avec la même compagnie Mainframe qui avait fait Reboot, dans le fond. Mais il y a eu tellement, tu sais, puis l'histoire du cartoon, nous autres, tu sais, quand on est jeunes, on les écoute. Moi, je me fascine de lire ces histoires-là, de lire que le gars qui a commercialisé les Transformers, ben, il est allé prendre un jouet du Japon, il a créé un cartoon autour, un peu comme He-Man. Ils ont créé un cartoon de He-Man à ce moment-là. Éclair. Puis, tu sais, c'est comme ils ont créé ça de toutes pièces pour nous mettre des jouets dans les mains. Ça a fonctionné. C'est fascinant de voir les histoires autour de ça. Mais quand tu dis ça, puis avec Sega, là, je ne veux pas en profiter nécessairement pour faire un segue, mais moi, je pensais, quand tu penses à Sonic, puis des Megaman, qui sont des gars qu'eux autres, qui ont existé en jeux vidéo avant tout, puis qui ont explosé de même, qui étaient quelqu'un, puis qu'aujourd'hui, ben, ça n'existe plus des Megaman, vraiment, il n'y en a plus. Puis Sonic, c'est tout de la merde, ce qu'ils font, excusez, là, Sega, là, mais c'est pourri, les derniers jeux qu'ils ont fait. Puis c'est comment qu'ils réussissent à vivre avec des comic books puis des séries TV comme Sonic Boom puis des cartoons, parce que Sonic est très, très, très vivant présentement en cartoon chez les jeunes, si le monde ils le savent pas, là. Mais il est très là. Puis Megaman, mais sont en train de préparer quelque chose sur lui. Puis il y a des comic books à tous les fois que je vois des magasins. Non, je parle. Mais ça, c'est indépendant. Je parle un cartoon, Rick. Je parle pas un Mighty No. 9 que, oui, va sortir la semaine prochaine. Il y a un cartoon carrément sur Megaman. Ouais, mais ouais, qui s'en vient, puis le comic book à toutes les fois un que j'arrive. Anyway, à toutes les fois que j'arrive dans le comic book shop, les comic books de Megaman sont vendus. Fait qu'il vit très bien sa vie. Mais somme toute, on a tous eu des bons moments dans notre jeunesse. On en a encore à venir pour les gens qui sont encore assez braves pour écouter des cartoons. Moi, je dois vous l'avouer, à 32 ans, j'en écoute encore des cartoons, même si certaines personnes dans ma vie ont passé en me faisant des commentaires désobligeants ou d'autres choses. C'est ancré dans notre culture, c'est le fun, il y a de quoi de libérateur. Il y en a pour les vieux, il y en a pour les jeunes. Il y en a qu'on va écouter pour le sentiment qu'on avait quand on était jeune. Il y en a qu'on va réécouter, puis on va faire « Hey boy, ok, ouais, non, finalement, je réécoute plus jamais ça de ma sainte vie. » Street Sharks. Mais, comme Street Sharks. Puis maintenant, anyways. Mais, somme toute, c'est là pour rester. Les auditeurs, vous avez été super généreux avec nous. Vous nous avez envoyé plein de bandes annonces, des trucs comme ça. Les gens qui nous écoutent présentement, qui n'avaient pas participé au thread sur la page Facebook, envoyez-nous sur Twitter puis sur Facebook vos recommandations. Qu'est-ce que vous avez écouté? Ça peut être récent, ça peut être ancien. On a eu J.S. Chaplot qui m'a dit, écoute, moi, c'était la gang de Reboot puis la YTV Generation. On a parlé d'années 80, 90, 2000, 2000 plus. Il n'y a pas de génération de cartoon, que ce soit un animé, un cartoon, peu importe. On veut du dessin animé, que ce soit par ordinateur ou autre chose, mais partagez-les avec nous. Je suis curieux. Moi, j'aime ça découvrir des trucs comme ça. Et ça m'a permis de retrouver mon amour pour Extreme Ghostbusters, que j'avais jamais vu la fin quand j'étais jeune, puis j'ai pu l'écouter maintenant. Il y a plein de trucs que je peux réécouter maintenant sans aucune honte. Mais comme Street Sharks. Bon, ça, il y a de la honte un peu. Mais en gros, Geek Collectif, ben, comme vous avez pu le découvrir, on est un podcast culturel sur la culture geek dans toutes ses strates et toutes ses états d'âme. Vous pouvez nous retrouver sur facebook.com/geekcollectif le podcast. Sinon, sur Twitter ou @geekcollectif. On a un Instagram qui est relié aussi au @geekcollectif. Alex, les gens qui voudraient interagir avec toi. Sur PSN, SuperJoker86. Sur Facebook, alex.greco, aalex.greco. Merci beaucoup. Milter, les gens qui voudraient interagir avec toi? Fait que sur Xbox, Milter187, et sur Twitter, ZombieMilter, Twitch aussi, puis Facebook, c'est mon nom. Perfect, merci. Eric, les gens qui voudraient parler avec toi ou t'envoyer des suggestions de cartoons de Thunder Bay? GoogleMontréalien.com. Non, mais pas .com. Google.com, Montréalien. Google.com, Montréalien. Puis, ouais, vous allez voir tout. Perfect. Merci, Eric. Guillaume? Moi, ça va être about.me/Guillaume Hamel. Ou Google Guillaume Hamel. Ouais, tu peux me googler, je vais être un des premiers. Ouais. Ben, pour les gens qui voudraient me parler, André Paquette, Ouzumaki QC sur Facebook, Steam, Twitter, Instagram, Pinterest, PSN, Xbox Live, peu importe. Ouzumaki QC, sinon André Paquette, ça va me faire un plaisir de pouvoir jaser de cartoon avec vous, puis de vous donner des recommandations à ce moment-là aussi. Nous étions le Geek Collectif, vous pouvez nous retrouver sur geekcollectif.com, également sur iTunes, en nous laissant un peu de monnaie sociale, un peu de love. À chaque fois que vous nous laissez une cote de 5 étoiles et plus, 5 étoiles c'est le minimum qu'on exige, parce qu'on est vraiment fiers de notre travail, mais avec 5 étoiles, vous nous donnez de l'exposure, de la visibilité, les gens vont pouvoir retrouver plus facilement notre podcast, se découvrir, on rentre dans les suggestions, et vous allez pouvoir nous aider à nous faire connaître. Puis ça, c'est notre paye à la fin de la semaine. Vos downloads sont notre paye. Même si vous downloadez 15 fois de suite, votre IP va être enregistré comme un seul download. On vous aime beaucoup. C'est une paye. Parlez de nous autres en bien ou en mal, mais parlez de nous autres. Ça va nous faire plaisir de pouvoir partager nos 2 cents sur à peu près n'importe quoi avec vous. Geekcollectif.com, sur iTunes, Stitcher, Facebook, Twitter. Ça nous fait un plaisir d'avoir été avec vous ce soir, aujourd'hui, ce matin ou dans le futur. On se revoit dans 2 semaines pour un prochain épisode. Merci. Call-moi Gwen Stefani. J'ai vraiment entendu ça tantôt.